Alors Sandro, t'en es où dans ton régime? Ça va, je tiens bon, hein, c'est pas facile mais j'arrive, je prends sur moi quoi. Ouais, mais ouais, puis t'es une femme qui a de la volonté, n'est-ce pas? Bah ouais, carrément. T'es pas comme toutes ces bouffonnes qui craquent à la moindre odeur de pâte feuilletée. Ouais, ça va pas, non, c'est des gamines ce genre de meuf. Elles méritent des claques. Hein. Ouais, toi t'abandonnes pas tes bonnes résolutions dès qu'il y a un petit obstacle, t'es plus forte que ça. Ouais, c'est clair, attends, j'ai trop de caractère moi, tu sais. Je suis pas comme toutes les pleurnicheuses qui savent pas se tenir. Bah c'est super en tout cas, ça fait plaisir. Bah, ouais. Bon. Les gars, vous pouvez faire péter la galette de bois, je crois qu'elle aura pour tout le monde cette fois-ci. Hein. Cher petit papa, non, cher grand papa Noël, cette année j'ai été très sage et j'ai traité personne de pauvre con. Je voudrais que tu m'apportes un nouvel avion tout neuf, encore mieux que celui d'Obama, pour partir en vacances. Je voudrais aussi que les Français m'aiment plus, parce que franchement, cette année les sondages n'étaient pas terribles. Et aussi, j'aimerais que Michael et toutes ces racailles me laissent un peu tranquille. Sinon, j'appelle Besson. Et hop, un Karcher pour... un charter pour le Portugal. Bien amicalement, Nicolas Sarkozy. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Énergie, Michael, l'animateur le plus cité dans les demandes de cadeaux au Père Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On salue Cash également, hein. Pourquoi? Ah, je l'ai pas vu. Non, bah rien, on va dire au revoir. Ah ouais, ouais. On lui dit à demain. Fais attention sur la route. On lui dit à demain, on est déjà sur la route. Ouais, je sais pas. Ça. T'inquiète pas, bah. Non, on l'embrasse, Cash, et vous le retrouverez demain jusqu'à 21h, jusqu'à 20h45, comme tous les soirs. Voilà. Bon, et puis ce soir, on parlera des sols, puisque c'est le grand jour aujourd'hui. T'as les sols alors? C'était... Non, tu fous, t'as vu le monde qu'il y avait, non? Ah, c'est le bordel. Non, non, mais en plus, je crois que c'est de la carotte les soldes. Hein. Déjà, c'est de la carotte. Et pas plus, c'est commercial. Non, parce qu'on a fait le truc hier. Alors, soi-disant, j'étais le moins bien habillé, ce qui m'arrangeait bien, puisqu'après, j'ai dit que c'est moi qui payais 100€ à celui qui était le plus mal habillé. Alors donc, que j'ai final... failli avoir de nouvelles fringues. Et non, vu le monde qu'il y avait, j'ai lâché l'affaire. Hein. Même pas des trucs à acheter, à revendre sur eBay, d'électroménager. Non, même pas. Non, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Quoi. Faut y aller à la deuxième des marques. Ouais, exactement. J'avais demandé sur le fanbook là, si vous aviez déjà fait les sols, combien est-ce que vous avez dépensé, tout ça. Ah, ça dépense aujourd'hui, hein. Il y a Anis qui est un peu, à mon avis ça doit être le frère ou sœur du roux, puisqu'il a dépensé 2,80€ pour un McFlurry. C'est pas mal, soldé par contre. Non. Voilà, ah ouais, non, bah ouais, ça c'est pas soldé. Hein. Thomas qui a dépensé 270€. Il y a quoi aussi? Mélanie qui a dépensé 75€ aujourd'hui. 130€ en une heure, c'est Florian qui avait envoyé le message. Une paire de pompes quoi. Une paire de pompes. Ouais. Ophélie, 110€. C'est maintenant qu'il y a le plus de choix, faut en profiter. Oui, bah c'est sûr, c'est vas-y. Hein. Ah oui, Cécilia aussi, hein, j'en ai eu pour 350€ aujourd'hui. Bah putain, ça va les affaires, hein. Ça tourne, moi, je hein. Me fais à chaque fois baiser quand je fais les soldes, je repars avec rien de soldé et que des articles tout neufs. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Hein. Non, parce que t'as plein de trucs de boutique, moins 60, 70, 80. Ouais, mais c'est des articles de merde. Il y en a 3 dans le magasin, tout le reste, c'est la nouvelle collection qui, évidemment, n'est pas soldée. Parce que c'est tous les invendus qui mettent en solde en plus. Hein. Ah oui, s'ils sont invendus, c'est pas pour rien. Hein. Évidemment, ouais. Bon, continuez à donner votre avis. Vous allez dans la communauté sur le fanbook et le Twitter, là, michael.fm, vous cliquez sur la communauté. Et puis si vous avez fait de la dépense aujourd'hui dans les soldes, n'hésitez pas à venir nous en parler. Le roux aussi a craqué son compte. Non, bah rien. Enfin, rien pour les soldes en France. T'as pas été faire les magasins? Non. Ouais. Non, je lui ai proposé de les boire à café. Non, j'ai pas envie de dépenser. Oh bon, d'accord. Okay. Ouais, allez, oui. Putain, 2 euros. Ouais, mais 2€. En plus, je vais être invité. Non. Si, le café, je vais être invité. Bah, demain. Ouais, mais dommage, je peux pas. Okay, par hasard. Bon, Toff, en pleine forme? Écoute, en pleine forme. Par contre, le coiffeur, toujours pas alors? Non, toujours pas. Mais alors, n'y va pas, parce que j'ai une auditrice qui m'a envoyé un message sur Facebook. Et elle fait un merdier de, tu sais, coupage de cheveux, ouais. Tout le bordel. Elle fait une école de coiffeuse. Ouais, elle veut faire des prototypes. Ouais, c'est mieux. Merdier. Ouais, elle veut faire des prototypes, donc j'ai dit que t'étais ouvert. Ah, elle a besoin de s'entraîner. Ouais, elle vient dans combien de temps? Ah bah là, je lui ai envoyé le message, faut que j'attende, je vais voir s'il a répondu et puis j'ai demandé si elle pouvait venir dans le studio directement et puis on fait ça. Écoute, demain, pas de problème. Bon bah très bien, Toff fera la barbe en même temps, barbe et moustache. Toff, il est content parce que maintenant il regarde le téléachat. Hein? Tu sais pas ce qui va se passer au téléachat? Non, qu'est-ce qu'il y a maintenant, encore? Maintenant ils peuvent vendre des godes. Ah oui, ouais. J'ai vu ça et aussi. Il a passé sa journée là-dessus. Voilà. Ils disent pas que c'est un god en fait. Ouais, non. C'est un masseur pour visage. C'est débile de dire ça. Oui, bah ça n'a rien à voir. Sur les boîtes, il y a le mode d'emploi sur le côté de la boîte et tu vois le god qui passe le visage. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Mais c'est pareil à Carrefour maintenant, ils en vendent des vibro-alors. Bon, forcément, c'est le dernier rayon tout en haut. Ouais. Et en fait, sauf c'est le truc que tu ne vends jamais parce que tu dois demander à quelqu'un. Excusez-moi, madame, vous pourriez prendre une petite échelle pour aller chercher le god qui est en haut, s'il vous plaît. Et c'est pareil. pareil en fait, donc tu vois pas le god, c'est dans une boîte qui était un espèce de, je sais pas, de volet qui se rabat sur le plastique pour que tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, donc faut savoir. À quand un mort pour vol d'un god chez Carrefour par les vigiles? Ça, je ne sais pas. Bon, Sandro, claqué combien aujourd'hui? Oh, pas grand chose. Dans la bouffe, hein. Ah, dans la bouffe, rien du tout, j'ai mangé chez moi, tranquille. Oh là, ouais, hein, j'ai rien claqué, pas de galette, rien. Oh là là, c'est pas mal. Bon, Jack, non? Ouais, une fortune, j'ai fait le plein. Ah oui, l'essence. Oui, mais c'est cher. Ça m'a flingué mon budget, là. Ouais, ça c'est sûr, effectivement. Bon, Micha qui est là également dans le standard, hein, 0800, enfin dans le standard, loin du standard, 0870 42 48. Et puis le répondeur aussi, hein, au 01 40 71 3400. D'ailleurs, on va écouter les messages que vous avez laissés depuis hier et le message le plus original qui lui aussi repart avec un cadeau. On écoute ça. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Yo, le type, c'est juste pour vous dire un truc. En fait, j'ai créé un nouveau groupe sur Facebook et ça concerne Mickaël. Donc, ça va intéresser pas mal de monde. Je tenais à donner le nom du groupe. C'est Mickaël Énergie. Il faut te faire teindre les cheveux. Mais pourquoi faire? Bah, quand même, le rouge n'a pas payé quelque chose pour rien. Fin du message. Oui, bah, je vais faire teindre le noir en noir. On sera bien avancé. Je voudrais faire un slam sur une histoire de macadam. Premier vendredi des vacances, je pars de Montpellier, il fait un temps pourri. J'arrive à Paris, et là aussi. J'arrive dans le RER, je me rends compte que je peux pas faire marche arrière. Les gens te poussent, te bousculent. Ils sont tellement serrés qu'on dirait qu'ils sont... Non. Enfin bref, j'en avais tellement marre de me faire piétiner que je suis retourné à Montpellier. Et bonne année. Fin du message. T'es grand corps malade. Suivant. La catastrophe annoncée par les Mayas va bel et bien arriver. 2012, le second mandat de Nicolas Sarkozy. Préparez-vous. Fin du message. Ah, c'est déjà en 2012. Message suivant. Si c'est une capote à la fraise, c'est comme si c'est une sucette avec l'emballage. C'est dégueulasse. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe. Alors moi, j'aimerais vous faire deux devinettes et on va voir si vous avez trouvé, si vous êtes cultivé. Alors la première devinette, c'est mon premier est le contraire de avec et mon deuxième me sert à dormir. Voilà, ça c'est la première. Et la deuxième devinette, c'est mon premier est une note de musique, mon deuxième peut être à part et mon troisième est un pronom personnel. Voilà, allez chercher. Si vous ne trouvez pas, je donnerai la réponse dans mon prochain message. Allez, oui, bisous, c'est à ça. Plus. Fin des nouveaux messages. Mi, la note de musique. Ouais. Le mec qui est à part, c'est un K. Ouais. Et elle, c'est un pronom personnel. Mickaël et Sandra. Voilà, Sandra et Mickaël plutôt. Bien, hein, Sandra. Oui, oh, l'autre. Bah, ah oui. Oui, oui, oui. Bah oui, j'y parais, elle a commencé par Sandra. Alors, ouais. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui. Je suis pas, oui, d'accord, on a trouvé. Bon, merde, le premier. Mais on n'est pas cultivé pour autant. Hein. Ah oui, oui, non, parce non, que non, c'était attention. Facile quand même. Ouais, elle était quand même relativement facile celle-là, pour le coup. Bon, 0140 71 3400 pour les messages sur le répondeur. On fait gagner qui alors, du coup? Il y avait le premier, merde, j'ai oublié. Il m'a fait rien. J'étais en froid oublié. Là, tu vois. Bah, il y a Grand Corps Malade. Bah, le premier, voilà. Mais non, ça c'était le deuxième, Grand Corps Malade. Le premier, c'était quoi? J'ai oublié, merde. On s'en fout, mais si c'est le premier, bah, Michel, rappelle le premier. Ouais, bah, rappelle le premier. Je remets. Ouais, vas-y, juste le premier. Yo le type, c'est juste pour vous dire un truc en fait. Non, mais c'est nul parce que je vais. On aurait pas dû remettre. Mais non, mais me faire teindre les cheveux, ça n'a aucun intérêt. Ah bah non. Ah, non, si, non, mais... quand même, pour la fin des cheveux. Ah bah alors super, je vais passer du noir au noir. Alors, on est bien avancé. Non, du poivre et sel au noir. Non. Si. Non. Si. Non, Roux. Faisons une photo. Mais si tu veux, il n'y a rien là. D'accord, on va faire une petite photo. Eh ben, fais une photo si tu veux. Ah, que tu n'utilises pas, tu prends pas l'appareil, tu retouches pas avec Photoshop. Mais je sais même pas utiliser Photoshop, ouais. Je l'ai là, je sais même pas comment l'allume. Non, mais c'est vrai. Bon, ben on fera ça si tu veux, y a pas de problème. Ouais, bon, ouais, Micha, le deuxième. On fait gagner le deuxième. Le premier, pas de problème. Non, le deuxième. Direct, je te lis directement que c'est le deuxième. Bon, on fera le petit ciné aussi hein, qui est de retour. Ah, le retour. Ah oui, retour 2010, le petit ciné des Mexicains tout à l'heure, puisqu'on est mercredi. Et puis, on parlera de CV également, puisqu'on est tombé sur des CV improbables. Ah, des lettres de motivation. Des lettres de motivation improbables. Donc, on en parlera tout à l'heure au niveau du son. On en a reçu aussi, des pas mal. Ah, on en a reçu des pas mal c'est aussi. Hein. Celles qu'on reçoit, c'est les pires. Ah, bah, oui. De toute façon, déjà, tous ceux qui sont dans cette équipe, c'est parce qu'ils avaient des CV improbables. Également, c'est vrai. La moitié, quand même pas d'ailleurs, montrer le CV. Bon, niveau musique aussi, ce soir, on passera le son de Rihanna, on aura également le son de Lady Gaga, on aura Class Hathaway avec What Is Love, le nouveau son de Paramore qu'on fera péter tout à l'heure. Il y aura peut-être aussi le nouveau son. Alors, j'hésite, je sais que Leroux aimerait plutôt l'un que l'autre avec Dashboard Confessional. Ouais. Ou alors Amberlin ou encore 311, je sais pas. Oh, wow. Voilà, je sais qu'il aimerait, il aimerait plutôt l'un que l'autre, mais bon, je sais pas. On va. Il est pas là pour lui faire plaisir. Hein, on va réfléchir. Bah, je sais, ouais, mais bon, on va quand même réfléchir. Voilà. Et puis au niveau du son, juste après la pub, on enverra Agnès avec On se donne. Il y aura toujours aussi les cadeaux ce soir avec. Ça, je préfère. Avec les cadeaux, tu parles. Séjour sportif pour trois personnes avec transport au centre UCPA. Oui. C'est à l'occasion de la sortie du film Bliss qui est passé, qui est sorti aujourd'hui. Il faudra tout simplement venir mettre en avant, en gros, sucer la bite d'une meuf. Pratique, pas facile. Oui, je sais, mais c'est une vanne. Pour gagner le cadeau, donc il y aura aussi les DVD, les Blu-ray, Inglorious Bastards. De quoi ? C'est qui la fille ce soir ? Une grosse fille. Oh là là. C'est Sandro, c'est ça ? C'est moi. Voilà. Bon, et puis en parlant d'Lady Gaga, on a aussi le casque Heartbeat by Lady Gaga de Monster a gagné. Voilà, comme ça, on a fait le tour de tout. Qu'est-ce que tu veux avec ton appareil photo, toi ? Tu viens de lui dire de faire une photo de tes cheveux parce que tu veux montrer à tous les auditeurs que tes cheveux sont pas gris. Oui, mais je disais, oui, voilà. On va les laisser son poivre et sel, c'est presque comme là. Fais une photo de là. Mais non. Bah si, j'en ai partout, donc t'es obligé d'aller que au-dessus. Mais non, je fais les deux. Mais tu sais quoi, prends-le avec son sweat là parce que ses cheveux sont assortis aux LED de son sweat. Eh oui, je te donnerai encore un Red Bull, tu vois. Bon, ça va, c'est bon, t'as fait ta photo là ? Un Red Bull qui n'est pas à toi d'ailleurs. Ouais, tu vois. Oui, c'est au bureau, c'est collectif. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. En plus, il est dégueulasse. J'ai donné à Sandro, je pouvais plus boire. Ah, le sans sucre. Ah ouais, sans sucre. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'achète que ça. Tant mieux, très bien. Bah, tu continues, c'est bien, toi. Voilà. Bon, allez, Agnès, on écoute ça dans un instant avec On se donne sur Énergie. On parle des soldes dans un instant. 612, débuté par Énergie ou sur amical.fm dans la rubrique Communauté. Bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. C'était le son d'Agnès à l'instant sur Énergie et Anaïs du 85 qui dit aujourd'hui j'ai seulement dépensé 50 euros. Oui, ça va pour les soldes, 50 euros, ça va. Mais ça tout va. Dépend de ce que t'as acheté. Ouais, ouais, ça dépend de ce que t'as acheté, c'est vrai. Budget. Ouais, c'est vrai. Une bouteille de vin, par exemple, c'est un peu cher. Non, c'est vrai. Il y a un message qui dit je me suis acheté des Nike à 50 euros qui valaient 100 euros. Ces frêles sont trop stylées. Oui, la moitié prix, c'est bien. Ouais, c'est bien. Si en plus tu les as kiffés, ça va, c'est tranquille. Salut Mickaël, du bon son des Guns ce soir, s'il te plaît, ça peut être pas mal. Charles du 01. Oui, pourquoi pas. Ouais, bah, on va mettre le nouveau Paramore alors et un vieux son des Guns. Comme ça, on mettra les deux. Et puis après, j'ai d'autres nouveautés aussi que je vous passerai tout au long de la semaine. Voilà, vous avez fait les soldes cette semaine. Qu'est-ce que. Enfin, aujourd'hui plutôt. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Dites-nous tout ça. 612, débuté par Énergie. Ou alors sur mikl.fm. Vous allez sur le fanbook ou sur le Twitter de l'émission, il y a déjà pas mal de monde et surtout pas mal de réactions que je lirai tout à l'heure. Je vous avais dit également juste avant le son d'Agnès qu'on vous filerait le casque Lady Gaga Heartbeat by Lady Gaga de Monster. Voilà, et le concept est facile. Ce soir, hier on les a filés comme ça, ce soir comme on a un son de Lady Gaga, on a reçu un bootleg. C'est facile, hein, je vous le dis direct, il faut juste nous dire. Il faut tout parce que c'est tellement facile. Ouais, il faut nous dire quel est le titre original. Donc, vous nous dites... Alors, je vais donner un exemple. Imaginons que c'est Lady Gaga et Offspring, voilà, par exemple. Et alors, vous dites donc Lady Gaga avec le titre de Lady Gaga et Offspring avec le titre d'Offspring. Bien. Tout, quoi. Voilà, tous les renseignements. Donc, vous donnez la réponse complète, OK ? Voilà. Et en combien de BPM ça a été mixé ? Et non, t'enflamme si. Pas. Et il faudra nous envoyer ça au 612. À quelle heure a été réalisé le projet ? 612, débuté par Énergie, puis vous laissez la réponse, enfin les réponses en l'occurrence, avec votre numéro de téléphone. Écoutez. Jusque-là, ça va, c'est facile. Oh, paix à son âme. Oh là là là. Moi je trouve ça va. Attends la suite. Et à son âme. Oh, ça passe. Oh, bien, je trouve bien. Attendez le refrain. C'est horrible. Je sais pas. Ouais, je découvre, hein, j'ai pas entendu. Mauvaise foi, c'est vrai, oui, ça va, c'est pas non, ce que c'est. Non, c'est pas une allure artistique, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas ce que c'est. Oui, mais enfin, ça va. Bah, ça va, mais c'est pas une. Ils sont pas flous, quoi. Si, quand même, c'est du travail. Oui, ah bon, non, c'est vrai que ça. Désolé, pour faire ça, hein, ça va. Hein. Ça passe, mais c'est pas. Deux minutes, enfin. Mais allez, non, mais c'est pas. Attends, c'est pas mon domaine, c'est ça que je veux dire. Je suis pas musicienne. Ça se trouve, c'est Roux qui l'a fait, hein, donc finalement, c'est bien pour l'euro. Ah oui, si c'est Roux qui l'a fait, oui, c'est bien. Donc voilà, si vous avez une idée, quel est le bootleg, hein, il me faut le nom du le nom original de Lady Gaga, ça je vous l'ai dit, avec le deuxième groupe ou chanteur. le premier titre de Lady Gaga et le titre de ce chanteur ou de ce groupe. Voilà, donc on l'a trouvé sur le chat déjà. C'est super facile. Donc 612, débutez votre message par énergie, la réponse, et puis vous repartirez avec donc le casque Heartbeat by Lady Gaga de Monster Beats. Voilà. Ouais, c'est un peu mal quand même. Non, ça va. Arrête. Ah ouais, mais bon, quand même. Enfin, bon. J'avais entendu cette version du deuxième groupe en musique d'ascenseur. Ah putain, tu sais où elle est ? Non, je saurais pas te le retrouver. C'était dans un documentaire en fait qui parlait machin. Et genre xylophone quoi, la musique. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'était dans un ascenseur quoi. C'était au Japon ou au Chine. Ouais, ça m'étonne pas ça. Bon voilà, donc si vous avez l'idée, 612, débutez par énergie avec la réponse. Et il y a Sabine qui est là maintenant du 73. Salut Sabine. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne année à toi également. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui les soldes, Sabine ? Alors, moi, j'ai pas fait les soldes parce que je travaille toute la journée, donc je pense y aller demain après-midi. Mais bon, j'ai un gros coup de gueule quand même, c'est qu'ils font toujours les soldes après les fêtes. Oui, c'est normal, hein, parce que sinon, c'est eux qui vont se faire baiser. Hein. Mais qui m'énerve, c'est qu'ils soldent des affaires de Noël après Noël. Bah oui. Voilà. Bah oui, mais c'est normal. On dépenserait plus de sous avant les fêtes. Je trouve que c'est non, pas mais trop tu sais normal. Quoi, ils sont gagnants quand même. Il y a une bonne technique. Enfin, moi, je fais ça tous les ans. C'est que tu achètes tes cadeaux de Noël le janvier d'avant. Voilà, les soldes. C'est pareil pour les affaires de ski. Tu les achètes en été. Ouais. Et c'est surtout pareil pour les affaires de Noël. C'est les guirlandes, les boules et tout le bordel pour la déco. Si tu aimes bien la déco, tout le bordel, t'achètes ça en janvier pour le décembre d'après. Ça se fabrique, ça. Ouais, mais bon, entre-temps, il y a du changement quand même. Hein, donc, il y a du changement. La mode dans la déco de Noël, ça va. Quoi. C'est ça, ça reste jamais qu'une boule et des boules et des guirlandes, quoi. Ouais, puis sinon, de toute façon, tu peux toujours les voler sur le sapin dans la rue. Hein. Oui, alors ça déjà. Enfin, tu peux pas le faire, mais techniquement, oui. Ouais, non, mais bon, tu peux les faire tomber et puis ne pas les laisser par terre. Moi, j'y pensais, mais je trouvais que la déco, la ville de Clichy, vous souhaite joyeux Noël chez moi, ça le faisait moyen. Ouais, c'est vrai, c'est pas terrible. Ouais, non, ça c'est vrai. On l'avait fait un jour en plus. Non, c'était quoi ? On l'avait donné ce Non, on l'avait pas fait. Non, non. Non, mais à l'époque, on était en Belgique. Si, je crois qu'on l'a fait ici aussi. Non mais non, on l'a pas fait. Ah bon, à l'époque, non, on était en Belgique, effectivement, on avait reçu une lettre inciter les gens à aller piquer des boules et des décorations de Noël dans la rue, et ils l'ont fait. Ils se sont fait arrêter par la police. Non, mais on n'est pas leur mère. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Je veux dire, pas déconner nous, non plus. Nous, on rigole à la radio aussi. Après, les gens, ils font ce qu'ils Voilà, c'est dit. Ça. Alors, après, nous, on n'y peut rien, effectivement. Bon, alors que la mairie de ma ville, ils ont bien trouvé. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait le chantier de Noël. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous des vieux panneaux de signalisation et ils ont mis Joyeux Noël dessus à la bombe. Quelle bande de crevards. Voilà. La bombe, Joyeux Noël sur les. Ouais, en fait, c'est des panneaux de signalisation qu'ils n'utilisaient plus. Et dessus, ils ont écrit Joyeux Noël. Et après, ils ont mis devant un panneau avec Chantier de Noël. Ils ont tagué ou pas ? Parce que Toff habite dans le 93. Hein. Non, mais t'es en Roumanie ou quoi ? Non, non, dans le 9-3. J'habite dans le 9-3. Ouais, mais ça va, c'est pas le 93 horrible. Ouais, bah, c'est 93. Par contre, c'était le 93 horrible de la décoration. Ah, 9-3 village, quoi. Ça, c'est 3 villages, ouais. Et Sabine, et donc t'as prévu d'acheter quoi demain ? Ça va être des fringues, enfin je vais regarder, mais bon, il va falloir que je tape dans le découvert évidemment pour. Va pas faire les soldes. Mais pourquoi tu vas faire les soldes si tu vas être dans le rouge ? Parce qu'en fait, ce que tu vas économiser dans les soldes, tu vas le payer à la banque. Bah, le banquier va pas être content, mais c'est pas grave. Non mais tu vas payer les intérêts. Parce que le banquier va être ravi. Hein, il faut pas croire que le banquier il est pas content quand vous êtes dans le rouge. Hein. Au contraire, il est ravi. C'est pour ça qu'il m'adore le mien. Ah ouais. Ah, il n'attend que ça, c'est que vous soyez dans le rouge. Je vais pas dépenser des masses non plus. Hein. C'est juste quelques fringues parce que j'ai besoin, une paire de bottes, voilà quoi. C'est vraiment. Après, faut regarder sur Internet aussi. Je pense qu'il y a pas mal de. C'est toujours, tu trouves toujours moins cher sur Internet. Ouais, puis t'as plus le temps en plus, tu vois, t'es assise chez toi derrière le PC, c'est plus simple. Mais le truc chaud, c'est Internet, les tailles. Mais Internet, on peut pas essayer. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Choses, Donc après, s'il faut retourner, c'est pareil. Non, hein, t'as essayé en magasin, tu notes la taille, et après tu cherches. Ça sera. Non, mais après, ça dépend. Si t'achètes un jean, un Levi's, un Diesel, tu connais ta taille, tu sais que ce sera bon. Ça, ouais, mais moi j'aime essayer. Non, mais ça j'ai compris. Ça c'est bien un truc de meuf. J'aime essayer. C'est la meuf qui fait 3 fois le tour du magasin, qui essaye 4 fois les mêmes fringues. Non mais qui... c'est vrai. Non, il y a rien pour moi. Mais tu sais quoi, quand j'achète des fringues en général, je les regarde, je connais ma taille, si je vois un t-shirt, je sais que je dois prendre un M, je regarde, je le prends, tu vois, j'ai pas ça taille jamais pareil les fringues. Ouais, mais vous êtes des mecs. Ouais. Oui, bah et alors C'est vrai. Ouais. Bah, nous on est des meufs, on a pas tous les mêmes seins. Même cul sur une nana que sur une autre. Voilà, tout à fait. Ouais, non, ça d'accord. Ouais, enfin je sais pas. Si, mais si les fringues ça s'essaye. Le seul truc que j'essaye c'est les pompes. Ah, logique. Il faut. Non, les pompes ça c'est le seul truc que j'essaye. Et encore en les essayant, je les prends toujours trop petites. Ouais, donc t'es un peu con quoi. Ouais, alors je suis obligé d'enlever la semelle, alors c'est moins confortable parce que sinon il y a plus de place. Ah bah t'es au même le sol quoi. Quasiment, ouais, ouais, ouais. Très agréable. Ouais, je te confirme, ouais. Mais comment tu fais ? C'est-à-dire que si tu l'essayes, tu sens qu'elle est trop petite ? Non, mais tu sais, parce que je les achète souvent quand je suis en vacances, donc tu sais, j'ai des chaussettes super fines, sauf quand t'arrives en hiver, tu mets des grosses chaussettes parce qu'il fait froid et du coup, ça rentre plus. Ah ouais, ouais, les gros problèmes que t'as dans ta vie. Bah, vous me posez la question, moi je vous réponds, hein. J'y peux rien, moi, si vous avez pas de. Si on n'a pas de vie. Voilà. Ah, mais c'est incroyable. Facile, bah attends, allez, chacun a ses problèmes dans la vie. Ah bah, mais je te confirme. Je te confirme. Bon, bref. Hey, Sabine. Oui. Et t'as prévu d'acheter des trucs, des cadeaux quand même ou pas? Ah non, c'est bon, les cadeaux, Noël est passé, c'est bon. Hein. Ouais, elle va enculer la famille. Oh, elle est gris, oh là là. Parce que nous on a rien reçu, hein. Ouais, tu nous as rien envoyé. Ah bah ouais, ah bah non, mais bah non, c'est la famille proche. Ah bah d'accord. Ah ouais. Bah alors, oh non, mais d'accord. Nous on a bien compris qu'on était que des merdes. Donc. Tu nous écoutes souvent le soir? Non, pas tellement, parce que là où j'habite, la radio ne passe pas très bien. Ah bah oui. Dans un tout petit patelin. Il y a internet. Mais t'as internet? J'ai internet, mais avec un débit pas très très. Bon, c'est pas grave, c'est avec un bête débit, tu peux capter. Hein, bon, en tout cas, t'écoutes chaque fois que tu peux. Voilà. Oui, donc voilà. On fait un peu partout. Donc tu nous invites assez souvent chez toi et dire qu'on n'est pas proche, c'est gonflé. C'est vraiment pas bien, franchement. C'est vexant. C'est gonflé même, j'ai envie de te dire. Bon, ben Sabine, merci à toi d'être passée. De rien, merci. J'allais t'offrir des cadeaux, mais je vais garder ça pour la famille proche. Gros bisous, Sabine. Merci, bisous à tous. À bientôt, salut. Ciao et bonne solde demain. Donc. Bon, si vous aussi vous avez prévu de faire les soldes, donc qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter? Quel est le budget? Si vous avez fait les soldes aujourd'hui, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes fait taper dessus? Non, mais ça arrive. Et il n'y a pas ça. Que les fringues, hein. Non, il y a l'électroménager, les télés, tout. Ouais, ça. C'est ces trucs-là en fait qui sont intéressants sur le net. Tu devrais acheter une friteuse 100 euros pour la maison. Non, bah non. Ah bah non, pas la friteuse, t'es malade. Moi, j'en ai une, tous les jours. Je vous la loue, si vous voulez. Non. Allez, 100 euros, vas-y. Non. Tu la loues combien? Je sais pas, on sait rien. Allez, 1 euro. 10 euros. 1 euro la journée. 1 euro la journée, c'est cher. Hein. Okay. Con, quoi, il est complètement con. J'ai vendu, si tu veux, je peux te la louer. Ouais. Si je te la loue un an, ça fait 360 euros. La journée. Bah vas-y, moi je te la loue aussi, hein. Je t'en loue deux même. D'accord. J'ai un truc pour faire le riz aussi, Roux, si ça t'intéresse. 1 euro. Je peux te le louer. 1 euro. Ouais. D'accord. Chaque utilisation, ouais. Ok, ça marche. La fondue, c'est un peu plus cher par contre. La fondue. Ah oui. La fondue, ouais. Tout le monde n'a pas une fondue. Ah, ça c'est sûr. L'autre se la pète parce qu'il y a une fondue. Bon, si vous avez. J'ai un appareil à raclette. Je vous rappelle toujours que si vous avez une idée pour choper le casque de Lady Gaga, le Monster Beats Earth Beat by Lady Gaga, quels sont les deux artistes et les deux titres de ces chansons mélangées? Ça me fait mal au cul à chaque fois. Mais... Ah, pourtant, c'est pas Jared Leto. Oh. Non, mais tu sais que c'est Polo, hein. Polo et Pablo qui sont amoureux apparemment. Non. Ils n'arrêtent pas de le passer. Non. Bah si. Ah mais c'est pour te faire plaisir. Bah je m'en fous, j'ai envie d'écouter, j'ai qu'à ils ont mais tu sais que c'est des susboules donc ils veulent faire plaisir au patron. Ah ouais, bah ils ont envie de t'émouvoir. Ouais. Ils ont envie de faire pleurer tes yeux. Et pourquoi ils pleureraient mes yeux? Parce que des émotions, parce que tu peux pas le voir. En son de la cave, je propose la boum ce soir. On fait venir Jared Leto, vous dansez un slow. Vous avez un problème les gars, hein. Non mais attends, c'est lui qui t'a touché un peu partout là. Non mais il m'a pas touché un peu partout. Si, ouais, si, il un peu t'a partout. Léché partout même. Mais oui. Il y a des photos sur le site. Hein. Bah, j'aimerais bien aller les voir alors. Hein, ah, il ouvre grand la bouche, je sais pas ce qu'il voulait. Tu finis l'affaire parce que t'as vu la même photo que moi où il a pris 30 kilos pour un rôle. Ah non, j'ai même pas vu la photo. Bah, ça fait peur, hein, ça fait très peur. Ah bah tu m'étonnes, effectivement, ouais. Tiens Laurent, tu prendrais 30 kilos pour faire un film? Oui. Oui, bah oui. Bon, est-ce que tu perdrais 30 kilos après pour faire un film? Bah, j'essaierai en tout cas. D'accord, ok. Et bon, perdre 30 kilos pour faire un film, je dois pas avoir un rôle qui est super rigolo quand même. Un anorexique, c'est terminal. Bon, allez, restez là, on va revenir dans un instant avec le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs? Class et Hathaway avec What Is Love avant 10h. Les Mayas avaient prédit les plus grosses catastrophes pour 2012. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que Mickaël et toute son équipe feraient de la radio tous les soirs de 21h à minuit sur Énergie. 2010, préparez-vous. Les problèmes vont commencer bien plus tôt que prévu. Bon, problème, je sais pas. Ça fait peur. Oui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour oui, moi, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Si, on va vous faire la galette des rois tout à l'heure. Que des solutions. Bah oui, je vais participer. C'est une galette à la frangipane ou une galette à la con? Quoi? C'est quoi une galette à la con? Bah c'est une galette sans frangipane parce qu'il y en a. Ah bon? Non, ouais, c'est des gens qui aiment pas ça. Non, c'est une vraie galette. C'est une vraie galette, hein. À la frangipane. Ouais, je pense. Bah ça dépend de qui a été l'acheté. Toff. Ouais. Ah, merde. Bon, on n'est pas là pour une galette à la con alors. Un papa au rhum. T'as pris quoi, Toff? Des éclairs au chocolat. Une galette à la con. Ok, bon, super. On verra bien. On verra tant que ça se mange. Hein. On verra tout à l'heure. Sauf qu'en général, quand il dit quelque chose, c'est toujours son contraire. Donc peut-être que là, il a acheté une bonne. Ouais, galette. Peut-être. De toute façon, tu manges pas. C'est rien. Bon, j'ai pris la première qui venait. Je peux pas, par respect pour les gens qui crèvent de faim, je peux pas faire la difficile. Bravo. Mais tu fais pas la difficile là. Tu manges pas, juste tu fais régime. Non. Parce que j'ai encore le son d'hier en début d'émission. T'as dit je commence demain. Oui, il y a un son qui dit qu'il ne faut pas se priver dans les grandes occasions. C'est vrai. Oh bah, voilà la grande occasion. Oui, c'est Balthazar, Melchior. Il y a beaucoup de grandes occasions chez Sandro. Il s'appelle Gaspard. Et on se demandait, celui qui a la fève, qu'est-ce qu'il fait? Oui, bah, c'est nul. Non, mais c'est nul. Non, il faut mettre un truc. Faut lui faire la misère. Moi, j'allais dire, celui qui tombe sur la fève, il doit donner le nom de sa mère, mais on l'a tous donné. Non, pas bien tous. D'accord. Non, c'est vrai. Celui qui tombe sur la fève, il doit donner le nom de sa daronne. Non, parfait, je valide. Non, franchement, il est bien ce truc. Mais non, franchement, c'est une très bonne idée. Bon, le daron, tu préfères? Non, même pas. Alors, la daronne. Non. Et bah, tu mangeras pas, c'est pas grave. Exactement, voilà. Mais on connaît le nom de toutes les daronnes. Bah, non. Vas-y, sors-les. Valérie, elle s'appelle. Mais non, d'accord, je Valérie, le vrai prénom, évidemment. Valérie, c'est vrai. Ouais, c'est ça, le vrai prénom. C'est Valérie, tu t'auras pas autre chose. C'est ça, ouais. Bon, on va faire le jeu des amis dans quelques instants, mais avant ça, petite information sur les fanbooks. Cristiano Ronaldo, qui est le sportif le plus populaire de Facebook. Ah bon? 3,2 millions de fans. Oh putain, quand même. Ouais. C'est énorme. Ah, mais c'est parce que c'est un beau gosse, lui, non? Ouais, c'est bah. Y a plus les nanas, supporters plus nanas, c'est bon. Hein. Je pense que c'est surtout les meufs. Ouais. Plus les supporters. À peine derrière, il y a moi, 23 000 fans. C'est pas vrai. Ouais, c'est à peine derrière. Ouais, à peine. Hein. Et puis Roger Federer aussi, qui a 3,18 millions de fans. Putain, ça chiffre quand même. Ah, bah je te confirme. Et puis Michael Phelps, c'est un nageur américain. Ouais. 2,86 millions. Un dealer de drogue. Oui. 2,86 millions de fans. Et puis Barack Obama, qui serait la personnalité vivante la plus populaire sur Facebook. Putain, c'est ouf. 7 millions de fans. Oh. Ah, oui, c'est bon quand même. Hein. Franchement. Il suce trop la bite à ce mec-là. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, faites grossir un peu le fanbook de l'émission aussi. On arrive au moins à 2,8 millions, quoi. Ouais, bah, qu'on arrive au moins à 25 000, quoi. Non, mais franchement, ce serait bien. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça fait tellement de temps que tu les traînes, t'es 23 000. Non, c'est pas vrai, hein. 23 000, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était 22, forcément. Donc, vous venez sur amical.fm, vous cliquez sur la communauté, vous deviendrez fan, tout simplement. On va jouer au jeu des amis maintenant avec Arthur qui est là. Salut Arthur. Salut les gars. Comment ça va? Ouais, tranquille, et vous? En bonne pleine année, forme. Hein. Oui, bah, bonne année à toi aussi, Arthur. Ouais, les gars. Ça va? Bien, comment ça se passe? Bah, écoute. Ça va. Il y a Cash qui m'envoie un texto pour dire bonsoir à tout le monde. Comme il est pas fait à 9h. Bonsoir, Cash. Enfin, comme il est privé. Non, il était méchant, il ne peut plus y rentrer. Non, mais c'est normal. Ouais. Mais attends, mais c'est normal. Mais c'est logique. Donc voilà. Ça va durer combien de temps Ah, bah, le temps qui se calme, hein, aussi simple que ça. Hein, c'est aussi simple que ça, d'ailleurs. Bon, ben, on le salue. Donc, comme je le disais, Cash demain, qui sera de retour à 17. Bon, Arthur, de Neuchâtel, en Suisse. Oh, ah plus, oui. Comment ça va? Bon, ça va bien. Alors, Bon, bah tant mieux alors. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on va appeler d'autres personnes suisses. Bah ouais, donc faudra aller doucement. Oui, t'inquiète. C'est pas hein. Tellement le principe du jeu. Hein. Voilà. Ah ben nul. Non, mais t'inquiète, à la place d'avoir 2 secondes pour répondre, t'en auras 5. Ouais. Enfin, allez-y, faites une vanne mieux que celle-là. Allez-y. Oui, bon, bah, ça va. Tex, je t'ai regardé. Putain, j'arrivais plus à dormir. Non, mais tais-toi, 2 secondes. D'ailleurs, je vais terminer. Je me suis réveillé à 6h du mat. Non, j'arrivais plus à dormir. Puis je me suis rendormi quand même malgré tout. Et je me suis réveillé vers. Tu vois, t'as que tes soucis en Vers 10h. Ouais. Ah ouais, je te confirme, mais gros soucis. Parce que j'ai regardé la télé. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé. Les amours. Hein. Quelqu'un veut prendre sa. Tout le monde veut prendre sa place. Prendre sa place. C'est avec Nagui, ça, non? Ça va, oui, c'est avec Nagui, ouais. Bon, les tailles, Nagui. Mais c'est quoi le principe? J'ai jamais vu ce truc. Voilà, il y avait une meuf, Toff, une psy qui était sur Paris, 29 ans. Elle était en recherche de, elle était en recherche d'un mec très très mignonne, bien foutu et tout. En plus, une psy, ça tirait très bien. Ah, il va vous croquer. Si elle veut m'appeler, je suis disponible. Bah, j'imagine, effectivement. Mais t'as compris le principe du jeu alors? Elle est passée. Bah oui, je comprends le principe du jeu. Oui. Bah, c'est des questions, tu réponds et tu gagnes. T'as une meuf, t'as la gagnante de la veille ou de l'avant-veille qui reste là. Ça fait 8 fois là. C'est la championne, voilà. Et en gros, tout le monde veut prendre sa place à elle, à la championne. Voilà. Elle est cumulée, et à la fin, elle décide soit de se barrer avec le pactole, soit de donner de l'argent à l'autre pour qu'il s'en aille. Comme question pour un champion. D'accord. En gros, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un Belge qui était en demi-finale. Ouais. Il a perdu. Qui venait d'Arlon. Oui, mais enfin bon. Ouais, oui, il perd toujours à la fin, les Belges. Et donc, j'ai vu aussi l'émission de Tech. Je me suis dit, putain, j'avais jamais regardé Les Amours. Oh, c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, oh, ça se regarde quoi. Ouais, ouais, je sais que Laurent il aime bien. Mais quand ouais, même. Bah attends, il y a plein de gens qui aiment bien, sinon ça serait pas. Ça, c'est beau. Pas ouais. Bah, je sais que c'est beau, enfin bon. On voulait aller avec le roux, mais il veut plus. Oh putain, allez-y. Ouais, faudrait recommencer. Le problème, on c'est va gagner un week-end, roux. Ouais, là le week-end. Ouais, ce sera drôle, tu vis après sur la tête avec le carton. Bah ouais, je rêve de faire ça. Eh, ouais, je vais dans le public. Hein. Ouais, mais on va... Le problème, c'est qu'elle va me mettre un coup, moi je vais lui mettre un coup, et elle va jamais s'arrêter. On va se taper sur la tête. On va lui ruiner son plateau. Elle est amour avec Sandro Hiro. Je crois que mais non, mais t'as fait une barre. Je crois qu'on pouvait pas en fait. Mais si, oui. Ah non, il faut des papiers d'identité. Eh ben, et alors j'en ai pas. Moi non plus. N'importe quoi. Alors, avec c'est les vrai. Passeports, on a perdu tout le reste. Oh là là là là. Bon, Arthur, on va jouer au jeu des amis maintenant. On va donc appeler un de tes potes. On appelle qui? Guillaume, Benji ou Julie? On appelle Guillaume, c'est un horloger. Comme ça, c'est pure sensation suisse quoi. Ah oui, là, on est à fond dedans alors. Hein. Très bien, parfait. On appelle. Merde, qui tu m'as dit? Guillaume. Ah, Guillaume. Guillaume, l'horloger. Ah, oui, l'horloger. C'est voilà, pour ça que j'avais compris Roger, je me dis. Guillaume Tell, il est suisse aussi. Je l'ai pas dedans, là, voilà, Guillaume, le Roger. Ouais. Allez. Il fait quoi comme montre? Là, il est bientôt embauché. Ah, je peux pas vous dire, c'est privé. Mais des bonnes montres. C'est privé. Et belle, ah, oui, et belle. Ouais, je suis Swatch, quoi. Nous jouons pour une semaine de vacances non. dans ce merveilleux département, le Jura, non, cette belle région. Vrai, vous connaissez vrai. Bon, Guillaume. Au Jura. Ouais, salut. Salut Guillaume, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Ah, oui, c'est bon ça. Bon, je t'appelle avec Arthur pour le jeu des amis. Je vais te poser 10 questions en rapport avec Arthur. Si tu réponds bien à au moins 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Nickel bleu ciel. Oh, je pensais pas ça. Oh, nickel bleu ciel. Mais d'où ça vient, voilà. Nickel bleu ciel? Ah, je le garde, de Suisse. Oui, j'ai compris. Ouais, c'est le crew, c'est qui on est. Oh là là, je le mets sur Facebook direct. Je vais voir si ça commente. J'aime. Nickel bleu ciel, d'accord. Bon, allez, on y va. Je te pose 10 questions. Faut que tu répondes bien 6 sur 10. Si tu sais pas, tu passes et c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre le plus vite possible. Ça rime même pas, en fait. Voilà, nickel bleu ciel. Ça rime même pas. Mais moi, je vais perdre 30 amis, là, d'un coup. Hein. Nickel bleu génial, ciel. J'ai la dalle. C'est nul. Elle, c'est nul en plus. Ouais, mais fais gaffe parce que son rôle va le mettre aussi sur son Facebook. Hein. Non, génial, facile. J'ai la dalle. Nickel bleu ciel. Ouais. Putain, j'ai faim. Bien. Ouais, pas mal. Voilà, quand même. Bon, allez, on y va. Arthur, Guillaume, surtout Guillaume d'ailleurs. Première question. C'est parti. Quel est son dessert préféré? Le flan à la choco, je crois. Oui, chez nous on dit chocolat, oui. Mais enfin bon, on va pas chipoter, hein. Flan au chocolat. Voilà. Quel est le nom de sa revue préférée? Pas. Idée pure. Ah, c'est peut-être de là que ça vient, nickel bleu ciel. Ça parle de quoi, idée pure, Arthur? C'est un magazine de graphisme en fait. Ah, d'accord, ok. Et le flan au chocolat, ça parle de quoi? Ça parle de ce que tu kiffes. Quelle est la personne, quelle est la personne qu'il déteste le plus? J'en ai aucune idée. Le roux. Ah ben, je t'embrasse. Eh ben, il n'aime pas le roux. Et il a raison, parce que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer. Moi non plus, hein. Moi non plus, j'aime pas. Attends, non plus. Bah parfait. Ah, non, les roux, pas les roux, il n'aime pas les roux. Les roux. Question suivante. Quelle est sa position sexuelle préférée? Ah bah oui, obligé, 69. Oui, 69, d'accord. Effectivement, ouais. Quel est le prénom de sa première meuf? Alors ça, c'est sympa. Elle était moche, apparemment. Ouais, puis en plus, elle embrassait très mal. Ah, parce que tu l'as essayé. Comment tu sais? Ah, bah je le sais. Ah, d'accord, ok. Bon, comment elle s'appelait? Annabelle. Annabelle, effectivement, bonne réponse. Quel est le lieu le plus insolite où il est fait l'amour? Alors, à ce que je sache. Ah ouais, c'est trop tard. Ah, t'es vraiment lent, mec. C'était. Ouais, c'est trop tard. Bah, il est suisse, hein. C'était. Non, et là, c'est les Bernois qui sont lents. C'est. Oui, bah, enfin bon. Ah, dis donc, faut pas demander. Ouais. C'est sous le lit. Ouais, bah voilà, j'allais dire que c'était un tri. Faut la place, hein. Ouais. Sous le lit, donc, hein, oui. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il? Au hasard, je peux. Vas-y. 12 fois. Le hasard. Et vous me prenez pour des cons, quoi? C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oh là là. Au hasard. Oh là là là là là là là. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, quand même. Bon, ouais, c'est bien parce que vous êtes suisse. Allez, quel est son plus grand fantasme? C'est trop tard, faire l'amour dans un palace. Eh ouais, mais enfin, il faut répondre plus vite, hein. Quel est son objet porte-bonheur? Son iPod, effectivement, bonne réponse. C'est un objet porte-bonheur, ça? C'est. Bah, écoute, oh là qu'est-ce là que je te dise, moi. Mais pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi ces porte-bonheur. Parce qu'ils sont suisses. Oui. Et... non, mais t'imagines un porte-bonheur Minaret, hein? Oh, bien. Oh, bien, hein. Non, mais d'accord. Et donc, pourquoi l'iPod porte-bonheur? Hein, pourquoi lui? Oui. Parce qu'il a tout le temps, puis il me laisse même pas le toucher. Mais ah, il fétiche, quoi, voilà. Oui, c'est un objet, oui, voilà. Bon, non, quel est son plus gros défaut? Ah, ça l'embête, l'euro. Ah, lui, il oublie tout. En tout cas, toi, t'as pas oublié toutes les réponses, pas mal. Ouais. c'est bien. Allez, 6 sur 10. C'est gagné! Ouais, enfin, en speed, beau, alors. Ça. Voilà. Bon, par contre, on va vous envoyer des cadeaux, mais à la vitesse de la Suisse, hein. Ouais, d'accord, bah c'est bon, quand tu arrives en 2010, c'est ok, quoi. Ouais, bon, on va voir. Bon, Arthur et Guillaume, vous retournez chez Michel au standard, d'accord? Ça marche, hey, vous êtes des boss, moi je vous kiffe. Bon, c'est gentil, Arthur, à bientôt à vous deux. Et puis, bah, je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous appeler depuis la Suisse, la Belgique ou n'importe quel autre pays, 0033 870 42 48. Et puis, retour du jeu des amis demain, bien évidemment, dès 21h. Au paquet de rêve, les gants, tout en bain. Voilà, c'est du portugais. Salut Tex. Tu disais? Non, pour Nickel Bleu Ciel, hein, que j'ai mis sur Facebook, zéro commentaire. Hein. Oui, bah c'est normal. Personne n'a relevé. Non, mais c'est la honte. Non, mais attends, il faut laisser du temps pour que les gens s'habituent à ce truc et qu'après ils puissent se dire, bon, j'aime ou j'aime pas. C'est la honte. Bon, allez, on revient dans un instant avec Classy Hathaway avec What is Love? Bouge pas. Roux compte ses économies. Il en manque une. Et Nickel revient juste après ça. C'était le son d'Hathaway avec Class Meets Hathaway, What is Love sur Énergie. On est là entre 21h et minuit avec le nouveau son de Paramore qu'on mettra tout à l'heure. On avait demandé aussi un son des Guns. Bon, on mettra ça tout à l'heure avant de partir, le son des Guns N' Roses. Donc, ne bougez pas. On se mettra aussi le son de Rihanna qui arrive aussi, Russian Roulette. Et puis, bah, vous, si vous voulez discuter avec nous des soldes que vous avez eu l'occasion peut-être de faire aujourd'hui, 0870 42 48 612 débuté par Énergie ou alors sur le fanbook de l'émission. Sur le Twitter, hein, vous venez sur mikl.fm et vous allez dans la communauté. Bon, on parlera des soldes aussi dans un instant. Micha, quand tu veux, Micha, pour le gagnant. Hein. Ah, je t'ai demandé, tu m'as dit dans 30 minutes. Oui, oui, il y a un problème 35 avec ta minutes. Non. Non, je t'ai demandé à. Ouais. J'ai demandé à 30, ouais. J'ai pas dit dans 30 minutes. C'est pas de mauvaise foi. C'est ça, ouais, t'as raison. Bon, donc on offrira le cadeau dans quelques instants, bien entendu. Bon, Hitoff, je voulais te. Mauvaise nouvelle. Hein. Quoi? Non, et pas que pour toi, pour les filles aussi. Écoutez, c'était dans le journal d'M6. Cette information qui risque de décevoir bon nombre d'entre nous. Mesdames, une étude britannique affirme que le point c'est G, faux. Vous savez, cette fameuse zone érogène située quelque part en nous, eh bien, ce point G n'existerait pas. Voilà. Putain. C'est du mytho. Eh ouais. De quoi? Pour toi, c'est... il existe? Ouais. Mais oui, il existe. Ouais, moi aussi, je pense que ça existe. Elle dit n'importe quoi. T'sais, parce que quand tu mets ton doigt à l'intérieur, tu le sens qu'il y a une espèce de petite. Mais il n'y a pas écrit G. Ouais, non, c'est ça. Tu sens un panneau avec marqué G. Braille. Ouais, mais c'est ça. Mais tu le sens mais à l'intérieur. Oui. Bah, tu sens que c'est pas la même chose. Faudrait demander à ceux qui effectivement connaissent le braille. Est-ce qu'il y a un chemin à l'intérieur? Est-ce que c'est une lettre en braille? Il y a des hiéroglyphes dessus, on ne sait pas. Bah, je sais pas. Vous pensez qu'il existe, vous, le point G? Donc toi, c'est ouais, toi, fouet, ou? Non, moi, je pense que c'est juste. Bah, s'ils le disent, je suis d'accord avec eux, mais je pense que c'est juste une zone érogène. C'est pas un point G. Non, voilà, c'est une zone érogène qui se trouve à l'intérieur de la. Mais ils auraient pu l'appeler le point A. Ouais, mais toutes les zones érogènes déclenchent pas un orgasme. Non, mais voilà, parce que là, il est à l'intérieur. Oui, donc c'est un point G. Bah non, ça peut être un point G. Il y a un endroit où qui est un. C'est là que tu déclenches l'orgasme, quoi. Il y a un endroit précis. Mais c'est pas parce que tu appuies dessus que tu vas déclencher l'orgasme. Ah non, mais après, ça dépend comment travailler. C'est fait. Faut travailler, ouais. Ah, voilà, donc... Oui, mais tu vas pas me faire. Tu me donneras pas un orgasme en mettant ta queue sur le pied, par exemple. Non, je suis d'accord avec toi, mais il y a des zones érogènes. Alors ça peut être une zone érogène. Par exemple, il y a des gens, les zones érogènes, c'est derrière l'oreille. Bah si tu masses, tu masses. L'euro, tu le grattes derrière l'oreille comme un chat. Je sais pas, moi. Et tu es content, il lève la tête. Ça t'excite, mais de là, de donner un orgasme. Ah, c'est possible, c'est un bon doigté. Ouais. Ah, bah moi j'ai un mec qui m'a déjà fait jouir, j'étais tout habillée. Hein. Ah, tu vois? C'est un ex hein, qui date pas longtemps. Non. Bien avant de vous connaître. Par contre, moi je pourrais me faire jouer entre ses orteils, hein, c'est pas de problème. Oh, quelle horreur. Bonsoir, Toff. C'est ça. Non, ça va bien? Je vous demandais ce que vous en pensiez parce que un peu plus tard dans la même soirée sur une autre chaîne, c'était MC, je crois d'ailleurs, il y avait ça. Il y a des ingénieurs en blouse blanche, des designers, des médecins qui travaillent sur des objets pour trouver son point G. Donc, par exemple, comme celui-là, qui s'appelle Gigi. Gigi. Voilà. Très classe. Gigi. Oh, c'est Gigi, elle va t'aider à jouir un peu. Elle t'attend, quoi. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux zapper sur toutes les chaînes et en fait, t'en rates toujours une information différente. Exactement. Moi, je me pose sérieuses questions sur le journal de M6, du coup. Parce que... Bah, non, mais sur Canal, ils en ont parlé aussi. Hein. Ah ouais? Oui, ah ouais. Enfin bon, c'était pas dans le journal. Ouais. Non, c'est vrai. Là, c'est le journal. Enfin bon. En tout cas, c'est pas encore ce soir qu'on saura si le point Gigi, hein, comme ils ont dit sur TMC, là, existe. Mais en tout cas, par contre, si vous voulez acheter ce magnifique sextoy, vous aurez plus besoin d'aller sur le net. Un magnifique sextoy pour pouvoir atteindre peut-être ce point G, justement. Puisque la boutique d'M6 va bientôt vendre des vibros. Et ça, oui. C'est ouf. Entre l'Abdo 3000 et l'aspirateur magique 36 en 1. Maintenant, on aura le Godmiché, un splendide masseur pour visage. Alors, qui a déjà été acheter des trucs sur la téléboutique? Moi, j'ai déjà acheté, moi. Oui, toi, ça, alors, ça, des trucs de régime. Oh, là, là, là. Et un toaster, ça... non qui... Non, mais j'ai fait deux jours avec, en plus. Non, elle a dû acheter un lisseur. Je sais même plus ce que c'était. Non, lisseur, j'achète sur eBay, sur Amazon. C'est, ça devait être minceur rapide ou... ouais, rapide, deux jours, c'est fini. ou cure 5 jours minceur. Ah, ouais. C'était des pilules qu'on prenait. À prendre. Ah oui, ah, les trois ça, c'est des conneries quoi. Des pilules qu'on prenait à prendre. Non, mais des pilules pour maigrir. Hein. Ah d'accord, ok. Bon, le roule, t'as l'achat, non? Si, tu sais, genre le truc pour faire le pain. Ah, ventre-plat, j'avais acheté un truc à ventre-plat aussi, excusez-moi. Ah, ça n'a pas marché donc. J'ai pas utilisé aussi. Si, ou c'est là, les trucs à abdos là? Ah oui, mais oui. Au téléachat, t'as acheté ça? Ouais, mais tu sais, non, mais le, avec ça, les électrodes. Ça n'a pas marché non plus. Bah, c'est-à-dire que, en fait, ça marchait très bien jusqu'au jour où j'ai pas fait attention et je me le suis mis et c'est pas moi qui l'ai allumé et on l'a allumé beaucoup trop fort. Et non seulement ça m'a grillé le bide et en plus ça a grillé la machine. Ah oui, c'est bon. Donc je m'en suis servi une fois. D'accord. Okay. Ah, c'est dommage. Bon, bah, c'est dommage. Bon, en tout cas, en exclusivité, on a un extrait de ce nouveau téléachat. Écoutez le téléachat. Revenons sur ce pèse-aliment dont nous parlions tout à l'heure, histoire d'apporter une précision. Cet objet est très pratique pour tous les dealers qui nous regardent, car grâce à cela, vous pourrez peser votre quantité de shit au gramme près. Et je peux vous assurer que ça marche. Ah, vous en avez un? Oui, oui, la dernière fois que nous avons fait une soirée entre vieilles filles, nous nous étions tellement défoncé la gueule que nous avions décidé de nous faire un gros pet. Merci, Maryse. Là... Merci, Maryse. Pardon, Pierre. Ceci dit, je voulais vous remercier pour votre colle extra forte que nous avions vendue la semaine dernière. Ah, vous vous en êtes servi? Oui, oui, et c'est grâce à ça qu'on s'est défoncé la gueule avec mes copines. On a sniffé ça. Merci, comme... Merci, Maryse. Et justement, pour éviter de passer trop de temps entre vieilles filles, j'ai une solution pour vous. Vous, Pierre, vous avez une solution pour moi? Effectivement, puisque je viens de vous le dire. Tout le monde sait que vous n'êtes pas très belle, pour ne pas dire monstrueuse. Oh. Vous êtes laide, mal habillée, mal coiffée, bref, la française moyenne. Merci, Pierre, mais vous, vous avez une solution pour moi. J'ai trouvé quelque chose qui va révolutionner votre quotidien, qui va vous combler au sens propre comme au sens figuré. À votre avis, quel est cet objet, Maryse? Un homme. Non, Maryse. J'ai bien tenté d'en payer, mais personne n'a voulu vous approcher. Oh, quelle gentille attention! L'objet que nous allons tenter de vendre aujourd'hui est un... Godmiché. Mais qu'est-ce qu'un Godmiché? Je ne sais pas, Pierre, mais je sens que cet objet va finir dans ma chatte. Tout à fait. C'est une sorte de substitut masculin. Ah, il va donc pouvoir m'inviter au restaurant? Non, pas du tout. Enfin, moi, tant qu'il finit dans ma chatte... Oui, ne vous inquiétez pas et laissez-le sur la table, s'il vous plaît. C'est un objet de forme phallique qui permet de combler l'absence d'un homme. Nous avons bien évidemment plusieurs modèles, hein, le grand noir, le moyen blanc et le tout petit jaune. Oh, vous savez, moi, tant qu'il finit dans je ma sais, chatte... Marie, mais je vous en prie, laissez-le sur la table une fois de plus. En plus, nous avons une surprise pour nos téléspectateurs, Maryse. Oui, je vais l'essayer en direct. Non, Maryse, oh. Et laissez-le sur la table, putain de ta race de chemeau. T'as pas me faire chier 10 ans, t'attends que l'émission se termine, tu rentres chez ta mère, tu t'enfonces dans le cul si tu veux. Oh, Pierre. Quoi? Je voulais juste me le mettre dans la chatte. Tout part en couille, même le téléachat. Quel le générique. Déjà, le générique était au top. Ah, ah bon, dégueulasse, ah ouais, le générique. Top du top au niveau du générique. C'est pour alors, pas ça, perturber c'est... les vieux, je pense. Ouais, je pense, ça doit être ça. Pour ouais. les inciter à acheter, ça t'énerve. C'est ça. Donc, t'as envie que ça se finisse vite, t'achètes. Bon, on parle des soldes dans un instant. On parle du petit ciné avec les Mexicanos. Ils sont arrivés à l'heure et tout. Que sont sont déjà là. Qu'est-ce tal? Pour une fois, faut pas les appeler 10 minutes à l'avance. Oh, Polo. Oh. Quel con celui-là. On peut pas croire que c'est lui, c'est pire quand il y a. Ouais, c'est clair, il aura défoncé le micro lui à mon avis. Bon, lui, on c'est un crooner du rock. On écoute tout à l'heure le nouveau son de Paramore, un vieux son des Guns et puis le dernier Rihanna qu'on écoute maintenant, c'est Russian Roulette sur NRJ. C'était le son de Rihanna à l'instant. Ah bah tiens, tu es là. Ah merde. Non, c'est la version longue, la version courte elle se tue, la version longue elle survit. Ah d'accord, ok, bon bah très bien. Rihanna avec Russian Roulette. Dans un instant on écoutera aussi Christophe Maé, nouveau son de Paramore aussi tout à l'heure. Et puis, bah, et puis on parlera des soldes dans un instant. Avant cela, petit signé des Mexicains. Laissons le temps à Polo de s'installer tranquillement, oui, s'il vous plaît. Surtout le retour du petit ciné, premier petit ciné de 2010. Qui n'est pas, comment dirais-je, le meilleur. Qui n'est pas bon. Ah bah, dès le départ, si tu lances pas le truc pire. En disant que c'est de la merde, on va pas y arriver. Ouais, hein. Non, mais qui a dit que c'est toi qui utilises des mots qui ne sont pas. Tu dis qui n'est pas, qui n'est pas le meilleur. D'accord. Ah, c'est justement pour ça qu'on va l'écouter avec attention. Exactement. Comme ça, on pourra bien se foutre de votre gueule après. Par exemple. Les bons, on les écoute pas. Bon, il parle de quoi? Il parle de toutes les grosses sorties de l'année 2010. Voilà, hein, voilà. Qui arrive ou qui sont sorties aujourd'hui? Alors 2010, ça fait 5 jours donc. Oui, oui, bah, de l'année. Donc tout qui arrive. Va sortir. Bah oui, dans cette. L'année 2010, c'est pas l'année, parce l'année que précédente. Je sais que vous êtes un peu. Déjà, il va se calmer le nain à côté et là. Et parce les films que... se font à l'avance. Non, mais 2010. Ils se font pas 2 jours à l'avance. Voilà. Ils se font à 1 an à l'avance, par exemple. D'accord. Film. Ça peut être des vieux films aussi, parce que par exemple, j'ai vu ça en Thaïlande, ils sont en 2500 et des poussières. Excuse-moi, t'as fait quoi? Excuse-moi, rien. Là, ça m'a choqué. Ah, c'est de la drogue. Ah, pardon. Ils sont en 2000. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ah non, je dis c'est ça. Parce qu'ils sont sur un autre calendrier. Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, petit ciné des Mexicains, spécial 2010. C'est ça. Allons-y. Allez, on y va. Petit ciné des Mexicains. Pour cet an nouveau, on va essayer de faire encore mieux que l'année dernière. Et pour ça, on a fait toute une liste de bonnes résolutions qu'on va appliquer dès ce soir. Polo. Et vous allez voir qu'on se fout pas de votre gueule. Polo. Le petit ciné va devenir un vrai festival du cinéma digne de Cannes. Polo. Et quoi? J'ai perdu la liste des bonnes résolutions. Ah merde. Bon, ouais. Bon, bah tant pis. Alors on va continuer comme avant. Hein. Ouais. C'est dommage, c'était bien parti. Ouais. Alors pour commencer ce premier petit ciné de l'année, on ne va pas voyager dans le temps, non. Hein, on ne va pas enfiler de lunettes 3D. Ouais, depuis qu'on a vu Avatar, on a compris que ça servait à rien la 3D, hein. À part payer sa place plus chère. On ne va pas combattre des vampires, on ne va pas affronter des armées de zombies, ni parler avec les morts. On va vous parler des films les plus attendus de 2010. Et croyez-nous, il y a du lourd cette année. Negro Goldwyn Mayer présente... Laurence Boccolini, Bernard Ménès, Laurent Ournac et Guy Carlier dans sa nouvelle super, super, super production sur les problèmes de banlieue. Wesh, gros. Franchement, il paraît que ça va être énorme. Et parmi les vrais films attendus au tournant cette année, il y a Alice au Pays des Merveilles, un film américain de Tim Burton avec Johnny Depp. C'est l'histoire d'Alice, une fille qui a pris un peu trop de drogue et qui va faire un bad trip dans un monde où elle aura un lapin rose comme ami. Qui a le même problème que Toff. Tu veux dire qu'il baisse comme un lapin? Oui. Aussi, ouais. Mais je parlais surtout de son problème avec le temps, puisqu'il est toujours en retard lui aussi. Bref, Alice finira par prendre des champignons hallucinogènes avec une chenille. En clair, un film de drogué, quoi. Hein. Sinon, en 2010, on aura aussi Iron Man 2, la suite des aventures de Tony Stark, le milliardaire américain qui sauve le monde dans une boîte de conserve high-tech. Daniel Potter reviendra en 2010 avec un nouvel opus. En vente dans tous les bons marchés opus. Oh non, je t'arrête de suite là, on l'a déjà fait 1000 fois cette vanne. Et alors, on peut la faire 1001 fois. Hein. Les Arabes, ils ont bien tenu 1001 nuits avec la même histoire. Hein. D'abord, c'était pas des Arabes, c'était des Perses. Hein. Et c'était les contes de Scheherazade. De chez qui? C'est marrant, moi je connaissais les contes de 1001 nuits, mais ceux de Cheikh Hamidou par contre. Bon, je disais, Daniel Potter reviendra en 2010 avec un nouvel opus. Mais attends, Polo, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Daniel Potter, c'est pas un chanteur? Si. Tu veux parler d'Harry Potter, non? Oui, c'est ça, mais on m'a dit qu'il s'appelait Daniel. Radcliffe. Daniel s'appelle Radcliffe. Et Harry s'appelle Potter. Oui, mais c'est la même personne. Oui, et alors? Bah, si j'ai envie de l'appeler Daniel Potter, je peux, non? Ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, alors, Harry Radcliffe et les Reliques de la Mort sortiront en 2010. Voilà. Et on aura aussi droit au 3e chapitre du monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Et bien sûr, les filles vont être toutes excitées. Tu vas pouvoir en profiter, Pedro. Peut-être que t'auras une chance de serrer. Car c'est le grand retour de Robert Pattinson. 2010 sera l'année des vampires. On aura droit au 3e chapitre de Twilight avec un titre très très bizarre, Hésitation. Alors, hésitation entre quoi et quoi, hein? Sucer ou ne pas sucer? Telle est la question. To beat or not to beat en anglais, puisque Robert Pattinson est anglais, hein? Ouais, c'est ça, ouais. T'as quand même remarqué qu'on a parlé que de films américains depuis tout à l'heure. Bah ouais, le cinéma français a fait comme nous, il a perdu sa liste de bonnes résolutions. Alors il va continuer à faire des films de merde. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'en 2010. Ouais, au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau petit ciné des Mexicains plein de stem partage. Et de Flippo du Scoboul. Alors, c'est ça qui a changé, c'est que maintenant on a la musique des gendarmes jusqu'au bout. Non, non, c'est un programme. C'est le petit cadeau de cette nouvelle année. Le petit cadeau. Très bien. C'est un programme. Un programme, il y a une liste de choses. Un agenda. Voilà. C'est comme un programme électoral. On dit plein de choses et on va rien tenir. Ah, bah très bien alors. Si, vous avez tenu votre promesse. Vous avez dit qu'il n'avait pas terrible. Il terrible. Bon, que vous pourrez réécouter donc, le petit ciné mexicain sur mikl.fm. Polo du Polo Choc, qu'on retrouvera avant minuit. Ouais. Nouvelle horreur. Et Pedro qu'on ne retrouvera pas dimanche. Nouvelle horreur. Voilà. Nouvelle horreur, promotion. Hein, nouvelle horreur. J'ai pas été augmenté. Pedro a refusé de faire cette année le best-of. Exactement, il a dit non. C'est un refus. Bon, on va donner la réponse maintenant du jeu. Le petit extrait, enfin l'extrait qu'on a mis tout à l'heure de Lady Gaga et Sandra qui est là, 26 ans de Metz. Bonsoir Sandra. Bonsoir tout le monde. Bonne année à tout le monde sauf à Jack. Hein. Voilà, comment parfait. Ça va? Ça va bien et vous? Bon, ça va bien Sandra. Alors, t'as une idée de qui chante? Enfin, qui chante dur. Il chante pas. Il chante pas volontairement. Hein. On lui a pas demandé son avis. La preuve, il est mort. Mais donc, paix à son âme. Ouais. Donc Lady Gaga, Poker Face et Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Exactement, Smells Like Teen Spirit. Ah, bon, et ben, écoute, t'as juste oublié, c'est pas dramatique en soi. Bon, Sandra, c'est gagné, on va te filer comme promis, donc le casque de Lady Gaga, Heartbeat by Lady Gaga de Monster Beats. Voilà. Okay, merci. Ben, je t'en prie, Sandra, je te fais des bisous. Bisous tout le monde. À bientôt. Salut, Sandra. Ciao à toi. Bon, bah voilà, ça y est, c'est gagné. Il y a un message que j'ai reçu. Attends, il faut que je le lise. Attends, hop là, je vais le retrouver. Il est là, c'est Damien qui dit « Je t'en prie, ne mets plus jamais cette musique de Lady Gaga avec Nirvana. Raye ça de la liste, tu ne peux quand même pas laisser passer ça. » Non, bah d'ailleurs, je ne l'ai pas passé, hein, c'était juste un extrait. Il se prend très bien. Oui, bah, ouais, il est bien en best-of, tiens. Ah bah non. Mais ça va, Nirvana, on peut y toucher quand même. Oui, mais pas pour faire ça. Si, bah, mais si, Lady Gaga, c'est très bien. J'ai pas dit que c'était pas, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que tu mets le truc ensemble, ça fait pas arrêter de. Nirvana, ça reste quand même un groupe de. De caca. Non, c'est bien, mais il faut. Ouais. Pas, voilà. C'est pas ça, non plus. Ça a pas révolutionné le monde de la musique. C'est justement parce qu'il est mort que c'est devenu une légende. Voilà. Oui. Ouais, ça reste un groupe de crado quoi. Sinon, il n'en a plus rien là aujourd'hui. Hein. Et lui-même disait qu'il savait pas jouer de la gratte. Hein. Il disait lui-même qu'il arrivait à faire deux notes en boucle. J'ai vu une vidéo de lui. À cette époque, déjà, il défonçait bien leurs fans hein, en concert. Pourquoi? Il prend un fan, il le savate sa race. Ah bon? C'est trop marrant. Ah, j'ai pas vu ça. Et alors, il savate son mec de sécu. Avec la gratte. Ouais. Il le tape avec la gratte. Il le démonte. Ah oui, mais c'est grave, c'est normal. Non, c'est rien, ça fait partie du spectacle après tout. Voilà, hein. C'est le show. Les Américains, ils sont meilleurs en show. C'est clair, ouais. Bon, on va revenir avec Fanny dans un instant pour parler des soldes. Et puis, on va se mettre la galette aussi d'ailleurs dans un instant, sans Sandro. Et puis. Si je joue, on fait un concours. Hein. Mais non. Bah si. Celui qui tombe sur la fève, il doit balancer le nom de sa daronne. Non. Ah oui, c'est vrai. Bon, on fait dans un instant après la pub avec Christophe Maé. Bouge pas. Toff part dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Mickaël revient juste après ça. C'était Christophe Maé sur Énergie avec tout à l'heure le nouveau son de Paramore que nous mettrons, un vieux son des Guns également. Et puis ce qui va arriver dans pas longtemps aussi, c'est Edouard Maya avant 11h sur Énergie. Et puis la galette des rois. Nous allons pouvoir faire péter. Je voulais mettre comme les rois mages en Galilée. Ah bah c'est merde, quel dommage. Elle chante là. Je la connais pas. Comme les rois mages. En Galilée. Si tu fais des étoiles du berger. Tu iras, j'irai. Et après, je sais plus comment c'est ça va. On n'a pas d'assiette. On n'a pas d'assiette. Il n'y a pas d'assiette. Pourquoi cette organisation de crevards? Prends dans ta main. Non, mais non, mais non. On met sur des feuilles. Ce sera parfait. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, on va découper le merdier maintenant. Alors, on a la couronne. On a deux. On a les prénoms. Les prénoms? Quels prénoms? Les prénoms des darons. Chacun connaît le nom de sa daronne, j'espère pour lui. Bah, visiblement, Roule connaît mal. Hein. Non, t'inquiète, je le connais le nom de sa daronne, donc s'il tombe sur la fève. Ah, parce que visiblement le Roule connaît très très mal. Hein. Juste que tant qu'on est dans la galette, ils l'ont fait à l'Elysée ce matin. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, Sarko. Non. En fait, il a fait un discours en disant oui, vous comprenez bien, il n'y a pas de fève dans notre galette des rois parce qu'on aurait du mal à élire un roi à la présidence. C'est vrai? Ouais, sérieux. Putain, mais non, mais il aurait été vénère s'il y en avait eu un qui l'aurait eu. Ah, parce qu'en plus, elle était gigantesque, hein, la leur. C'est-à-dire que, je sais pas, elle devait faire 2 mètres, 2 mètres 50 de large. Ah ouais, mais bon, c'est Bachelot. Hein. Bon, il y a Audrey qui est là maintenant, 28 ans de Dijon. Comment on va, Audrey? Salut tout le monde, ça va? Bonne année. Salut, bonne année. Bon, bienvenue à toi, Audrey. Bon, alors, toi, tu voulais... Sandro, arrête de toucher la galette. Mais non, je prépare parce que je sais ce qu'on va faire. Avec une fourchette dans les doigts, c'est le prépare, elle mais est oui, là. Mais oui, je la sors. Ouais, ouais, tu la sors. C'est pas moi qui choisis, là. Comme par hasard, elle prend le plus gros morceau. Mais c'est pas moi qui choisis. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pas possible. C'est Audrey qui va nous dire. Oh non, pas ce truc ringard. Eh bah si, c'était mon idée. Oh non. Eh bah si, moi ça m'amuse. Et tu dois aller sous la table alors. Moi ouais. Je trouve ça bien. Normalement, il faut aller sous la table. Mais non, puisque c'est Audrey qui choisit, elle voit pas. Bah Audrey, mets-toi sous la table si ça leur fait plaisir. Allez Audrey. Ils sont un peu teubés, écoute, excusez-moi. Ce sera avec plaisir, mais bon. T'as pas de table. Bon, alors, tu choisis. C'est quoi ton bordel de choisir? Bah elle dit pour qui est la première part. Bon, pour qui est la première part? C'est pour ça que je la sors avant, pour pas qu'il y ait de favoritisme sur la taille. Et on fera non. Allez pour Jack. Jack. Et, oh, elle va tomber par terre celle-là, hein, je te le dis direct. Tiens. Mais non, regarde. Parfait. La deuxième part. Oh là là là. Ça va être très long. Deuxième part, top. Très bien. Hop là. Troisième part. Elle est énorme. Il a un morceau de part. Oh, cette part de ouf. Ouais, mais t'as plus de chances d'avoir la fève. Hein. Oh là là, Sandro, tu vas tout faire tomber. Mais on connaît le nom de vos darons, putain. Changez de jeu. Mais oui, mais on veut le tien. On veut celui de ta mère à toi. Ensuite. Ensuite, pour qui? Là, on espère tous que ça va tomber sur roue. Bah tiens, roue, allez hop. Ah, il a pris une petite. Ouais. Oh là là, putain, j'ai peur, j'espère qu'il aura. Mais si ça tombe pas sur moi, c'est quoi le gage pour le roi? Bah je sais pas moi. Bon, c'est la suivante, c'est pour qui? Eh bah pour toi, tiens. D'accord, allez, très bien, hop. Bon, Sandro, ma part. Putain, mais je vais avoir une petite part, moi. Bah oui. Si tu veux en échange. C'est d'accord. Parfait. C'est très quoi, bien. Qu'est-ce qu'on fait comme gage? Ensuite. Allez, Pablo. Hop. Ensuite, Pablo. Ah non, il veut pas Pablo, il est au régime. Ah, il a 45 kilos à perdre, alors tu penses qu'il faut y aller à un moment. Bon, il reste Pedro. Ah, Pedro, c'est pour Pedro, très bien. Eh, Audrey, m'oublie pas, merde. Hein. Bah oui. Voilà, il reste Micha et Sandro. Oh, eh bah, Sandro. Sandro, d'accord. Allez hop. Et oh, c'est là, c'est l'autre. Non, t'as pas fait dans l'ordre. La taille de la part. Non, mais attends, elle est en train de tricher. Tu l'as vu là-haut? Elle est en train de tricher, je rêve. Elle ou quoi, a vu là sur la webcam. Attends, bon. Je te vois. C'est ta part, tu peux la prendre avec tes doigts. Hein. Oui, c'est ta part, te fais pas chier. J'ai pris la part tout le monde avec les doigts sauf la mienne. Parce bon, que moi, et je ensuite, sais ce que j'ai fait avec mes mains. Et ensuite, pour Micha. Ensuite, il reste qui? Attends. Bah, il reste Micha. Micha, viens, Micha. Polo, tu vas bouffer. Il reste une part. Et à chiasse. Bon, je veux bien me dévouer pour en manger deux. Hein, mais... Voilà. On laisse à ceux qui ont eu des petites parts. Une part pour Polo. Et ça se trouve, ça va être pour celle qui reste, la fève. Et après. Et ah oui, ça se trouve, effectivement, il va en rester qu'une seule. Il reste qu'une seule part, ça va être dedans, la fève. Bon, on va essayer. Allez, roue. Allez, roue, j'ai démarré, lui, je fais pas chier. Allez. Allez, j'espère que ça va tomber sur lui. Il va l'avaler. Ouais, l'avale. Bah, si personne là, on saura ce que t'as fait. Hein. Oui, c'est pas faux. C'était et du coup, les fois précédentes, vous vous souvenez? La dernière fois, je sais plus. Ah, il est là. T'as Micha? Tu l'as, Micha? Non. Tu l'as eu, Micha? Si c'est roux, il est capable de l'avaler pour pas. Eh oui, mais c'est clair qu'il va l'avaler, cette espèce de con de roux. Il va dire Valérie, comme tous les ans. Moi, je suis ouais, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, moi, je suis arrivé au bout de la part déjà. Ah, c'est pas roux. Tiens, reprends-en. Bah, prends la dernière roux, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est Micha, merde. On connaît pas le nom de sa mère. Si, il a déjà dit. T'as la fève. Ah. Une vache. Non, il faut qu'il nous dise le nom de son père. Ah, ça Micha. Va être pas con. Non, merde. Ah oui. Allez, Micha. Comment il s'appelle, papa? Il s'appelle Patrice. Non, arrête de mentir. Donne le nom de ton daron. Fais profiter les auditeurs. Allez. Ça s'appelle Soirée. Je pense qu'il y a drôle. Hein. Soirée. Elle est bonne. Soirée, mène tes. Le roux, ramène pas trop, toi. Attends, ils s'appelle soirée comme une soirée ou soirée? Non, bah, ça s'écrit pas pareil. Soirée comme la chanson là. Soirée mente. Soirée ou soirée? Soirée. Une, on en général, quand on a la fève, on est roi. Mais en même temps, son daron il s'appelle soirée, mais il faut pas oublier qu'il s'appelle Micha quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il s'appelle Micha. Je crois que c'était un pseudo au début. Il paraît que soirée, il est pas du matin, c'est vrai? Oh la vanne. Oh là là. C'est nul. C'est Pedro. Oh là là. Bon, André, t'as mangé la galette aujourd'hui? Eh, hey, Ah, tu m'as dit, vas-y, fais-toi plaisir. Attends, laisse-moi. Enfoiré. Quand ça vous arrange, je vais vous faire foutre, mais vas-y, fais-toi plaisir. Bah, attends, tu piques. Ah, tu partages pas. C'est Mike qui a dit ça. Et alors? Eh bah, moi, j'écoute le patron. Depuis quand tu l'écoutes? Ouais, j'ai... Quel con alors. Ah, sauf, tu voulais changer. Quelqu'un en veut? Tu veux pas? Oui, moi j'en veux. Et là, ils échangent leurs parts maintenant. Tiens. C'est quoi ça? Quand tu m'as dit t'en veux, je te donne un bout. C'est pour me donner ça. Oh là là. C'est dingue. Bon, au collège, tu sais. Oh là là, la tête de Michel avec la couronne. La tête de con que t'as. C'est mignon comme ça. Surtout que la couronne est trop petite. Hein. Ouais. Bah, je m'en fous de ta fève là. Casse-toi avec ta fève. Michel, il y a une deuxième couronne. Faut que tu choisisses ta reine. Ah, c'est vrai? Bah ouais, elle est là. Ah oui, choisis la reine. Qu'est-ce que veut la galette, Michel, la galette. Mais quoi, quoi, Audrey? Non, gros. Princesse Micha, on est à fond là. Ah ouais, il est au taquet, je t'inquiète. Non, mais Audrey, tu l'as mangé la galette aujourd'hui? Non. Non, bah t'inquiète pas, Sandro mange pour toi. Hein. À ce niveau-là, on est tranquille, hein, ça c'est clair. Ah, mais je vois là. Ah oui, bah comme tout le monde, hein, tu peux voir en direct. Est-ce hein, que tu vois ça, Audrey? Il arrive avec un petit peu de retard, mais il va le voir dans quelques secondes. Ah, merci, Sandro. Je suis ta mère, toi. Fais gaffe, je vais te faire passer une mauvaise soirée. t'es la reine. Il a choisi sa reine, c'est Mickaël. Mais fais pour la photo au moins. De quoi? Mais là pour la photo. Je peux pas, après on verra plus mes cheveux gris. Mais arrête, Mike, t'es mauvais joueur, c'est pas possible. C'est ça, Pablo. Merde, j'ai raté. Ah, ça, j'ai failli. Sur le site, vous pouvez voir les cheveux gris de Mike. Ouais. Soit disant. On les voit bien, non, on les voit bien. Ah, mais attends, j'ai pas été voir, je parie que vous avez encore fait de la merde là. Non, on voit bien. Non, vous avez été faire du Photoshop. Non, on serait pas permis. De toute façon, Pablo sait pas comment ça marche. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, y'a rien. Ah non, y'a rien, non. Toi, t'es pas de mauvaise foi dans la vie, toi. Attends, mais c'est quoi ça? C'est pas ma tête, ça. Si, c'est ta tête. Ah! Mais attends, mais y'a pas. Déjà, c'est flou, on voit rien. Lâche au dernier moment, lâche. Qu'est-ce que t'as avec cette couronne? Eh, hey, Pablo, tu mets la photo sur le site de la couronne, t'es viré. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est pas grave, on a un syndicat, Pablo. Okay. Pablo, on a un CE, un syndicat là. Un CE, un syndicat, c'est pas pareil. Un truc qui te défend, quoi. C'est ça, ouais. Un avocat. T'as raison. Bon, André, je te remercie de passer, je te fais des gros bisous. Pas de soucis, bisous à tous. À bientôt, salut. Salut, merci. Ciao, Audrey. Et puis, il y a Fanny qui est là maintenant pour parler des sols. Salut, Fanny. Salut, bonne année. Bonne année à toi aussi. Hein. Comment ça va? Ben, ça va. Bon, tranquille, bienvenue à toi. Alors, Fanny, tu as fait les sols, toi, aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé un peu bizarrement. Mm-hmm. Parce que dans le centre commercial où j'ai fait les sols, il y a un mec qui s'est fait tuer. Oula. Oh. Donc. T'habites où? À Cergy. C'était aux Trois Fontaines de Cergy. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bah, il y a eu un règlement de compte. Nous, on a vu les flics courir, donc on n'a pas compris tout de suite. On les a vus partir en courant avec des lacrymos. Et en fait, en redescendant, on a vu qu'il y avait des barrières partout. Et dedans, il y avait une grosse flaque de sang et un mec sous un drap bleu. Et aux informations, on a vu qu'il y avait eu un règlement de compte. Les mecs sont en fuite, ils ont pris la fuite et ils n'ont pas été arrêtés. Et, ils ne peuvent pas faire ça quand ce n'est pas la période des soldes. Ouais. Et bon, c'était dingue de voir. Il y a les gens, ils étaient tous agglutinés à regarder autour. Ils n'avaient rien de mieux à faire. C'est vrai que c'est choquant. Donc, des fois, tu regardes, un peu voyeur. C'est choquant. Ouais. Bah, le mec a eu une réduction sur sa vie, quoi. Ouais, tu jettes un œil, mais après, ça choque tellement que t'as autre chose à faire que de regarder parce que c'est dégueulasse, quoi. Oui, non, c'est sûr. Ça attire les gens, hein. C'est comme les requins, par exemple. Il y a des gens qui sont fascinés par cet animal parce qu'il a une gueule spéciale. Quel rapport? Parce que je regardais des vidéos tout à l'heure, donc j'ai pensé à ça. Pourquoi c'était nul le rapprochement? Bah non, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Bah si. C'est comme regarder des requins. Les gens sont fascinés par l'animal. C'est parce que ça, il a une sale gueule et puis il a une sale réputation. Ouais. C'est pour ça que les gens sont fascinés avec moi alors. ça doit être ça. Non mais c'est normal, c'est la curiosité. Tu vois un mec qui est mort, t'en as jamais vu à part à la télé, tu regardes. Bah tu regardes pour voir si c'est comme à la télé. Ouais. À la limite, enfin, le pire, c'est le mec qui filme une baston, mais qui aide pas à les séparer. Ah bah non, bah il peut pas tout faire. Il peut pas et filmer, il peut pas tout faire, c'est pas possible. Bon, et donc du coup, pas de sol. Enfin, t'as fait quoi comme. Bah si, quand même. Non, mais t'as acheté quoi alors la journée, elle, elle devait s'en remettre. Un manteau, un jean, un pyjama, quoi. Et un drap bleu. Enfin, ça va. T'as dépensé combien? Moi personnellement, j'ai dépensé que 35 euros. C'est ma mère qui en a plus dépensé. Ah oui. Mais c'est toujours bien d'aller avec ses parents parce que c'est eux qui payent. C'est ça. Tu dis. Bon, écoute, maman, j'aimerais bien qu'on passe vraiment une journée ensemble. Ah bon, ça fait plaisir. Oui, voilà, on va aller manger un petit truc d'or, on fait quelques boutiques. Ah bah oui, viens, d'accord. Viens, on va faire du shopping, ça va nous changer les idées. Voilà, et hop, la mère, elle se fait baiser. C'est pas bête. Non, t'inquiète, nos darons, elles nous connaissent, elles savent comment on est. Ouais, mais tu sais, au début, tu sais, quand t'as 15-16 ans, c'est la première fois que tu tentes. Après, oui, une fois que t'es plus vieille, après, ils savent, hein, ça c'est clair. Bon, bah, merci à toi. Moi, c'est ma mère qui m'a dit, allez, viens, on va faire les soldes. Ah, bah, t'as du bol, alors. Elle a besoin d'un bouche-trou, ta mère, peut-être. Elle voulait pas non, parce qu'elle s'est rien acheté, donc c'était vraiment parce qu'elle voulait me faire plaisir. Je suis une fille exemplaire, c'est normal. Ouais. Et tu t'enflammes un peu, toi aussi. Hein. Bon, Fanny, je te fais des gros bisous. Bisous. Et tu reviens quand tu veux. Salut, okay, Fab. Ciao. Bisous. À bientôt. Et on va se faire un petit chéri, je t'ai fait cocu dans un instant. Si vous voulez vous inscrire au chéri, je t'ai fait cocu, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. On se mettra le nouveau son de Paramore dans pas longtemps. Et puis le son aussi de Diams avec Cœur de Bombe qui arrive avant 11h. En 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Aubenas s'était enlevée. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe, c'est l'arrivée de Michael sur Énergie. 5 ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit sur Énergie. Ouais, et on est là effectivement tous les soirs sur Énergie entre 21h et minuit avec le jeu aussi hein, qu'on fera tout à l'heure, le jeu Bliss, puisque c'est la sortie du film Bliss aujourd'hui dans toutes les salles de France, avec le séjour sportif pour 3 personnes, transport plus, enfin le transport au centre UCPA, donc c'est Elro qui fait le ménage. Pardon. Enfin, qui fout le bordel. Ça change pour une fois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez Bliss avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Bon, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Clara qui est là, 19 ans. Salut Clara. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va très bien, moi. Ah, bon, très bien. Bon, 19 ans de Paris, Clara, nous allons faire le chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Okay. Bon, comment ça va se passer? T'as prévu une petite histoire? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je suis passée en vacances entre mes deux concours et comme, par respect pour mon copain, on s'était mis d'accord pour pas qu'il y ait le garçon. Enfin, je suis invitée que des copines, c'est à Luchon, on aurait jamais. J'ai rien compris. Avec Clara. Mes copines, avec mon gars, parce que j'ai même des occasions. Voilà, qu'est-ce que tu as raconté? Je suis partie en vacances à Luchon avec des copines. À Luchon, d'accord. Ouais. Un très très bel endroit. Exact. Donc, je devais ramener que des copines. D'accord. Là-bas, en vacances, vous deviez être contre meuf. Exactement, chez moi. Ok. J'ai imaginé une petite histoire comme quoi des copains viennent me rejoindre en surprise. Et ça se passe mal, en fait. D'accord. De quoi ? Il y a des gars qui sont arrivés, enfin des potes à elles qui sont arrivés sur le lieu de vacances chez elles par surprise. C'est ça. Je le trompe avec un des mecs. Avec un des mecs, d'accord, ok, ouais. Très bien. Par contre, t'as le kit main libre, Clara, là, ou c'est ton téléphone direct ? Non, c'est mon téléphone direct. Ah bah dis donc. Mais ça résonne peut-être parce que je suis. Bah ça résonne et en fait, j'ai l'impression que tu as ton téléphone tout près de ta bouche, donc du coup on entend. Ah, non, pas du tout. Ah si, je t'assure. Hein. T'es enfermé dans tes toilettes là ? Ouais. Non, pas du tout, ça résonne chez moi. D'accord, il faut t'acheter des meubles là ? Peux ou alors t'habites dans un château. Non, va pas dehors, tu vas crever de froid là, il fait moins 2. Ah si, va dehors. Mais non, ça pèle là, dehors, laisse tomber, t'es fou. Ouais, je vais sortir. Bon, Clara, on va donc l'appeler maintenant. Au plus tu le rends dingue, au plus tu as de chance de repartir avec les cadeaux. Ça marche. D'accord ? Ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti, bonne chance. Comment je m'appelle ? On s'en fout au final. Hein. Michel. Sam, il le connaît pas, il a juste entendu parler de lui. Ah, et c'est qui ? C'est un ancien copain, hein. J'ai coupé les ponts avec lui. D'accord. Mais bon, je suis à Paris aussi, quoi. Ouais, t'es à Paris. Ok, d'accord. Et on est chez toi, je crois. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. Très bien. Il est plutôt bon chic, bon genre, ton mec ou pas? Le mec. Non, il est normal, mais il sait être jaloux quand il le font. Surtout que. D'accord, mais. Fait, du coup, je l'ai trompé pour la première fois, mais la première fois avec un mec, aucun rapport. Ah, très bien, d'accord. Bon, ok. Avec un mec, aucun rapport. Voilà. C'est quoi un mec, aucun rapport? C'est un mec avec qui il a pas eu de rapport. Bah si, justement. Bon, on y va, on appelle Rémi, Clara, d'accord? Ça marche. Allez, c'est parti, bonne chance. Ah, c'est aussi. Allô? Salut, ça va? Salut mon amour, ça va? C'est vrai, ça va? Ça va, je viens juste d'arriver. Ah ouais? Je m'en fous en fait, je t'appelle juste pour te dire un truc important et qui me travaille en fait. De quoi? Tu te souviens la semaine de vacances que j'ai passée à Luchon? Ouais. Mais ouais. Bah ça s'est pas vraiment passé comme je te l'ai dit. Quoi? Pourquoi? Attends, non, mais tu je viens d'arriver. Quoi? Pourquoi? Je t'énerve pas. Je t'avais dit qu'il ne devait pas y avoir de copines et tout. Enfin, qu'il ne devait y avoir que des copines et. Ouais, je prévu, sais, avec Léa et compagnie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai des copains qui ont débarqué en surprise à Luchon, donc. Et. Hein? Et. Ouais. Tu les connais pas trop, c'était des anciens copains. Des copains que je connais pas. Ils débarquent à Luchon. Ouais, c'est un peu compliqué. Et il y a une soirée où vous m'avez bu et tout, et... Hein? Mais tu m'as attendu. Ouais, je sais pourquoi, je sais. Et j'ai couché avec l'un d'entre eux. Quoi? Mais non, bon allez. Non, attends, je viens franchement, je viens d'arriver. Tu me fais une blague à... C'est une blague? Non, mais on se voit jamais et tout, je sais pas. Bon, Clara, t'as fini au téléphone, là? On va y passer la nuit, hein? N'importe quoi. Allez, arrête. Bon, Clara, t'as fini au téléphone, là? On va pas y passer la nuit, hein? C'est qui? Clara? C'est Sam. Hein? C'est Sam. Sam? Sam, le mec avec qui j'ai eu un rapport. Quoi? Attends, mais à qui tu parles, là? C'est quoi cette blague, là? Je parle à Rémi. C'est quoi cette blague? Ah mais reste pas toute la nuit. C'est qui là? Mais Clara? Attends, déjà que c'est toi qui paye, faut pas déconner non plus. Quoi? Je voulais être honnête avec toi, toi, tu t'énerves. Non, je suis pas chez moi, je suis pas chez moi. Quoi, t'es pas chez toi? Je t'ai appelé tout à l'heure, tu m'as dit que t'étais chez toi. Je l'étais, mais je suis partie après. Ah bah attends, c'est la police ou quoi là? Mais c'est qui ça? C'est que c'est une blague ou quoi? C'est qui lui? C'est Sam, mais... Parce que je voulais voir Sam. C'est qui Sam? Attends, mais tu me charries, c'est quoi ce qui Sam? C'est celui qui boit pas. Il est con. Mais il me charrie en plus, il se fout de ma gueule? Non, mais je tiens à toi. Non, mais j'en ai rien à foutre. Toujours, mais je t'aime toujours, je te jure. Entre nous, c'est sérieux, mais quoi? Je sais pas, j'ai fait une erreur. Non, mais attends, tu charries ou quoi? C'est qui l'erreur? C'est l'autre ou c'est moi? Mais quoi? Mais attends, non, déjà. Attends, je veux dire, il faut pas déconner. Clara, là, t'es chez moi, t'appelles. Avec mon téléphone, t'appelles ton ex et puis et tu lui fais miroiter n'importe quoi. T'es malade ou quoi? Je sais pas, éloigne-toi de lui déjà. C'est incroyable ça. Vas-y, ouais, Clara, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi. Ça y est. Ok. Mon amour, c'est quoi entre nous, c'est sérieux. Lui, non mais arrête de dire ça, mais je rêve. En fait, je crois que je commence à avoir des sentiments pour lui, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est qui? Mais putain, mais c'est qui lui? Attends, passe-moi le téléphone là, c'est pas possible. Allô? Allô? Non mais attends, qu'est-ce que c'est? T'es qui? T'es son ex là? Pourquoi tu restes au téléphone pendant 3 jours là? Mais toi t'es qui? Toi, comment t'es ça? Bah, je m'appelle Sam. Sam comment? Sam qui? Celui qui boit pas. Ah, tu me fais des blagues en plus. Mais je te fais pas des blagues. Tu me fais des blagues au téléphone. Tu crois que c'est marrant là? Bah je vois. Enfin tu me demandes qui je suis. Alors quoi? Je vais te dire, je suis Sam Koukaï après. Sam Koukaï, ouais. Sam Koukaï. Mais pourquoi je te parle, toi, déjà? Déjà, je veux pas te parler. Non, mais attends, déjà, c'est mon téléphone, hein, alors t'es gentil, hein. Repasse-moi, Clara. Hein? Repasse-moi, Clara. S'il te plaît. Ouais, c'est ça, s'il te plaît. Que ça va foutre. Non, bah, dis s'il te plaît, sinon tu as perdu ton temps, ouais, c'est ouais, toi. Ouais. Bah, attends. Hein. Vas-y. Repasse-moi, Clara. Qu'est-ce qu'il faut dire ajouter en plus? Je rigole, mais tu te fous de ma gueule? Bah, non, attends, t'es pas poli, j'essaye de t'éduquer un petit peu, quoi. Et tu crois que j'ai besoin d'une éducation? Ah bah visiblement ouais, hein, puisque tu, sais, tu parles mal. Passe-moi Clara. Et puis, ah bah, t'oublies toujours le dernier mot, là, c'est dommage. Hein. Ouais, passe-moi Clara. Ouais, non, là, toujours pas de bon mot, non. Mais tu prends pour un rigolo, quoi. Non, mais attends, mais tu parles Clara, mal. Passe-moi Clara. Déjà, on se connaît pas. Déjà, tu dis pas bonjour. Clara. Après, tu dis même pas s'il te plaît. Clara. Non, mais attends, t'as cru que t'étais qui, là? Je veux pas te parler. Je te rappelle que je suis Sam. Lâche-moi. Passe-moi Clara. Je te tiens pas. Passe-moi Clara. Mais t'oublies toujours le mot, là. C'est dingue. C'était un comique. C'est comme si tu veux ouvrir une porte sans la clé. Je veux pas te parler à toi. Bah, justement, dis une chose en. La chose en plus, et hop, tu pourras la voir. Ouais, ça va être ferme ta gueule la chose en plus. Ah non, non, c'est pas le bon mot. Hein. C'est comme si c'est d'ouvrir une porte là-bas avec la mauvaise clé, c'est dommage. Ouais, ouais. Tu dis s'il te plaît, la faire replier. Passe-moi Clara. Hein? Passe-moi Clara. Allez! Non, vas-y, passe-moi Clara. S'il te. Attends, déjà j'essaye de pas m'énerver là. Non, mais je me branle que tu t'énerves. Attends, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Tu crois que tu veux me dire, regarde, t'as vu, t'as de la chance, je m'énerve pas, je m'en bats les couilles. Dis s'il te plaît, je te la passe, elle va faire plier. Là, t'es en train de. Viens, je te dis s'il te plaît de face, t'habites où? T'as vu, je suis encore dans ma voiture, là. Vas-y, t'habites où? Qu'est-ce que ça me fout? M'en fout de ta vie, moi. Bah, vas-y, je suis encore dans ma voiture. Bah, tant mieux, et après, moi, je suis chez moi, je préfère être chez moi au choix avec une meuf que dans une voiture tout seul, hein. T'habites où? Vas-y, regarde, tu vois, tu sais quoi, je viens d'arriver, t'entends là, ce que t'entends, c'est ma boîte à gants. Ouais, c'est génial, tu racontes ta life, non? Vas-y, bah, vas-y, je note ton adresse tout de suite. Tu racontes ta vie, non? Dis-moi où t'habites. Tu racontes ta vie ou pas? Bah, tu veux faire ton malin? Bah, vas-y, dis-moi où t'habites. Et tu peux passer là-bas? Tu peux chercher une petite bouteille avant de venir? Ouais, je vais t'apporter une bouteille. Parce que j'ai plus assez à boire là. Ouais, mais je t'apporte une bouteille là, bouge pas. Ouais. Donne-moi ton adresse. Tu fais le malin, non? Ouais. Parce que tu dis pas s'il te plaît, mais par contre, tu vas faire le coq en arrivant là. Donne-moi ton adresse. Bah, hein? Vas-y, y'a pas de soucis. Bon, dis s'il te plaît d'abord. Donne-moi ton adresse. Ah, j'ai dit d'abord, attends, tu réponds par une question par une question. Donne-moi ton adresse. Bon, dis s'il te plaît. Donne-moi ton adresse. Tu vois, même ça, qu'est-ce tu n'arrives pas à dire s'il te plaît. T'es quand même mal poli. Hein. Tu fais ton malin là. Mais tu fais le malin, adresse. C'est toi qui fais le malin. Mal poli. Ouais, mal poli. Ouais. Repasse-moi Clara. Bon, allez, Réré. Je te la repasse, mais c'est bien parce que je. C'est même parce que t'as l'air... Tu m'as l'air sympathique. Ouais. D'accord. Ouais, ferme ta gueule. Passe-moi allez. Clara. Moi aussi, je t'aime, Réré. Je te la repasse. Ouais. Oh la grosse. Tiens, je te la repasse. Comment tu parles? Allô? C'est qui ce mec là? Il est complètement con. Hein. Oh là là, j'ai tombé sur des bouffons. Mais alors lui, c'est le champion du monde. Hein. Il me parle de sa boîte à gants. J'en ai rien à foutre. C'est chez lui. C'est chez lui? C'est quoi ça? C'est quoi l'adresse? C'est à Boulogne. À Boulogne? Donne-moi l'adresse, mais j'arrête tout de suite. Mais pourquoi il veut venir? Hein? Non, mais ça sert à rien. Je voulais juste être honnête avec toi. Hein? Je voulais juste être honnête avec toi et si tu veux pas accepter la vérité, bah c'est pas mon problème. Mais je t'aime toujours, tu sais. Tu m'arrêtes de prendre comme ça ou quoi? Oh, ça y est, il va verser une larme. Il m'a pris pour qui, hein? Bon, dis-lui que j'ai des mouchoirs s'il veut. Mais éloigne-toi de lui déjà. Éloigne-toi de lui. Je suis éloigné. C'est lui qui vient. Ok, vas-y, donne-moi l'adresse. Allô? Putain, mais c'est encore toi? Bah oui. Je vais te donner l'adresse. Vas-y. Bon, t'as de quoi noter? J'ai de quoi noter, ouais. Alors, c'est 22. Ouais. Rue. Ouais. Alors, je vais t'appeler. B. Ouais. H. Tu m'as pris pour un alphabet? Je t'appelle pour être sûr que tu rentres dans le GPS. Ouais. T'as un GPS? Ouais, BH. BH. Ouais. Y. Ouais. E. Vas-y, donne-moi des lettres au hasard. Non, mais je t'appelle. Tu veux pas noter, qu'est-ce que je te dise? Donc, B, H, E. Ouais. O. Ouais. L. Ouais. A. W. Ah non, non. A. Ouais. Z. Ouais. Z. Ouais. Z. Attends, non. Vas-y, passe-moi Clara. W. Ouais. Tiret 2. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Allez, vas-y, passe-moi Clara. À Boulogne. Hein. D'accord, Boulogne. D'accord, allez, vas-y. Passe-moi Clara. Bah tu vois le rond-point des putes. Hein, à Boulogne. Mais attends, mais... Vas-y, mais me parle pas, toi. Allez. Là, tu me parles pas, et tu me passes Clara. Attends. Ok. Le compte est bon. 17. Quelqu'un mieux? Et là, je suis en train de m'énerver dans ma voiture tout seul, comme un gland. Alors, tu me passes Clara. Mais tu racontes ta vie avec ta voiture, là. T'as quoi comme voiture? Passe-moi Clara. T'as quoi comme voiture? Ce matin. T'as quoi comme voiture? Attends, donne-moi ton adresse, je vais te montrer ma voiture. T'as quoi comme voiture? Ah, monte, viens. T'as quoi comme voiture? Donne-moi ton adresse. T'as quoi comme voiture? Une Clio 3. Oh, quelle honte. Oh. Bon, Rémi. Ouais. Rémi dit. Dis, ça va, reste calme. T'es toujours en train de parler de ta voiture, là. Incroyable. Bon, Clara. Oui. Bon, dis-lui, là, il va nous faire une sacope. Clara, vas-y. Rémi, c'était une blague. Quoi? C'est pour la radio. C'est une blague, c'est pour la radio. Pour la radio? C'est l'énergie. Bah, allume ta radio, mais c'est dans ta voiture. Tu me charines, hein? Non, je te jure. Bon, mets la radio, vite fait, hein, pas trop longtemps. Ah, putain. Bah, quand même. Vraiment, je t'arrive un truc comme ça. Non, parce que là, on a tourné à la rigolade, mais par contre, l'histoire est vraie. Hein. Ouais. Nous avons juste fait une reconstitution grossière, mais sinon, tout s'est bien évidemment passé, bien entendu. Hein. D'accord, bah du coup, je peux dire s'il te plaît, alors. Ah, bah là, tu peux dire s'il te plaît, ouais. Et puis, t'as intérêt, parce que. Voilà. Ah, bon. Ok? Bon, je vais te repasser le roi Micha. Qui est con, il a toujours sa... Ah bah c'est le roi Micha, hein. J'ai FF, je suis le roi. Il a toujours sa couronne sur la tête, là. C'est incroyable. Tout le respect, je suis le roi. Ouais, t'as raison, ouais. Bon, Clara et Rémi, je vous renvoie chez Micha au standard pour gérer les coordonnées pour les cadeaux, d'accord? Ça marche, okay. Merci beaucoup. Allez, okay. Salut à vous deux, à bientôt. Bonjour à tout le monde, bisous. Ciao. Ciao. Bye bye. Et si vous voulez vous inscrire au chéri, je t'ai fait cocu, 612, débuté par énergie. Et puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. On envoie Diams dans quelques instants. Et on aura le Mac du jour aussi tout à l'heure à 23h. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'eau de. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. C'était le son Diams à l'instant, cœur de bombe sur énergie. Il y a le Mag qui arrive dans quelques instants. On fera aussi le nouveau son de Paramore, je l'ai promis au début d'émission. Et avant la fin de l'émission, justement, c'est une auditrice qui avait demandé ça par SMS au 612 tout à l'heure. Un petit vieux son des Guns N' Roses. Bon, on a Delphine et Rachel, voilà. Delphine et Rachel qui sont là toutes les deux. Salut les filles. Bonsoir, salut l'équipe, bonne année à tous. Comment ça va? Bonne année à vous également, mademoiselle. Bon, on va jouer au grand jeu Bliss comme toute la semaine, puisque c'est vendredi d'ailleurs qu'il y aura la grande finale pour choper le séjour sportif pour trois personnes avec transport au centre UCPA. Alors, le concept est facile, comme hier et comme avant-hier. Il faut simplement, mettre en avant une meuf, une star, une people. Et donc, trouver des choses gentilles. Des arguments, quoi. Des arguments. C'est comme un battle. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, elle est jolie, bon point. Hop, l'autre, elle doit dire qu'elle est intelligente, au hasard. Qu'elle est intelligente. Et si l'autre, après, répond de nouveau, elle est jolie, elle a perdu. Donc, en gros, il ne faut pas répéter deux fois la même chose. Donc, il faut bien réfléchir, bien sûr. Il faut que ça tienne la route aussi. Voilà, ce soir, comme promis, nous allons parler d'une grosse people. D'une star, on peut dire. D'une énorme people. D'une grosse star. Sandro Lopez. Voilà. Voilà, qui n'a rien à voir avec Jennifer. Hein. Non. Oh, si, on a quelques points en commun. Oui. On a le cul en commun. Hein, quand en speed, alors. Hein. Ah, si. Delphine. Oui. Tu vas donc devoir jeter des fleurs à Sandro, pareil pour Rachel. Façon battle, on va lancer la pièce. Qui tranche alors? C'est elle qui tranche, c'est Sandra qui tranche. C'est On est assez d'accord en général. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Delphine, tu prends pile ou tu prends face? Allez, face. Face, allez, c'est parti. Mais tof, fais le normal. T'es un vrai jet de bonhomme, quoi. Bah, pareil, un vrai jet. Non, s'en fout, fais de la radio. Vas-y, ou... pas de la télé. Hop. Voilà, là je l'ai rien. Vas-y, rends-moi ma pièce. Bon, c'est pile ou face, là. Allez, vas-y, rends-moi ma pièce. Et c'est le roi d'Espagne. C'est n'importe quoi, surtout. C'est le roi d'Espagne. Donc face. Tu gagnes 50 centimes. Vas-y, rends-moi 50 centimes. Attends, je vais te donner 10. C'est ça, va te faire voir. Les frais de change. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est chiant. Tof, tu payes ton café ou quoi? Allez, roue! Attends, il est parti en courant, j'ai cru qu'il allait m'agresser. Putain! Pour bon. 50 centimes, vraiment, ce que tu c'est vrai, capable Tof, de faire. Ouais, c'est vrai. Tof, tu peux payer ton café là, apparemment. Non. Bah, si, t'as assez là. Non, j'ai pas assez. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai que 50 centimes, ça fait un café et demi. Ah bah, c'est parfait. Moi, je prends le café, je te laisse le demi. Bon, on y va, Delphine. T'avais pris quoi au fait? Face. Ah bah, non, alors c'est Rachel qui commence. Bah, non. Bon. C'était le roi d'Espagne, donc c'est face. Ah oui, effectivement. Okay. Alors, c'est effectivement Delphine qui commence. Je vais y arriver, hein. Tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Bon, on y va, Delphine, c'est parti. C'est toi qui as l'honneur de commencer. D'accord. Eh ben, déjà, moi, Sandro, franchement, je la trouve vachement courageuse. Je lui tiens mon chapeau parce que ça fait des années qu'elle vous supporte. Et je dois dire que c'est pas, ça n'a pas toujours l'air facile, mais elle s'en tire vachement bien. Eh bien, et le courage, donc. Bravo, voilà. Rachel, t'as gagné. Courageuse. Non, non, mais attends. Ouais, c'est pas valable, c'est pas valable. Bah, c'est pourquoi? Parce, parce que toi aussi t'es relou. C'est ça, c'est, ça, mais c'est un argument qui porte qui. Hein. C'est un argument qui vaudrait pour tout le monde. Voilà, voilà. Là, ça, si, ça marche. Non, non, parce que je suis quand même en minorité. Nous aussi. Je suis seule. Je suis seule. Mais... c'est comme si tu mettais un mec autour de plein de gonzesses. Ce serait pareil pour lui. Ce serait très difficile. Une meuf comme toi, ça vaut voilà, quatre mecs comme nous. C'est exactement, c'est exactement pour ça qu'on dit qu'on est. Vous allez me faire chier, Lachan. Ah oui, oui. De quoi? C'est parce que tu viens de discuter que nous aussi on est à plaindre. Et là, tu viens de démontrer exactement oui, vous êtes pourquoi quatre, on est à plein. Vous êtes quatre. Bon, allez, on valide. Donc vous valide, êtes solidaires. Ouais, ouais, il est bon, il est bon. Il est bon, là, là. Va nous faire chier de la soirée. Bon, allez à toi, Rachel. Alors, on peut dire que la radio a trouvé sa princesse charmante, car chaque auditeur sait à quel point tu es envoûtante. Ah, validé oh direct. Oh là là. Là. Envoûtante. Bon, vas-y, Delphine. Non, emmerdante, ça, ouais. Envoûtante, ça, c'est autre chose. Bon, vas-y, Delphine. Ouais, moi, ce que j'aime chez Sandro, c'est qu'elle est naturelle, elle est franche, elle dit ce qu'elle pense quand elle le pense. Bon, même si parfois ça peut engendrer des gros fous rires. Mais je trouve qu'elle a une naïveté qui est plutôt touchante. Alors, pas si l'évangéliste l'ont décervelé, mais plutôt. Voilà, moi je trouve qu'elle fait craquer tout le monde avec sa petite naïveté. Même ce matin. Validé, validé. Rachel ouais, enfin, elle a donné deux alors, en un là. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Naïveté et franchise. Donc à travers ton micro, ton sourire illumine nos soirées et quand t'arrives minuit, je ne veux plus te quitter. Validé, parce que c'est un poème en plus. Ouais, ouais, mais faut arrêter maintenant les poèmes. C'est moi qui choisis. C'est ah, c'est toi qui choisis ouais. Bah oui. Ça ah, mais attends, ça va durer longtemps, ça va brosser toute la soirée. Bon, vas-y Delphine. Ah, alors, c'est dur, c'est là. C'est bien hein. Dur. Non, non, j'ai juste ma fille qui pleure derrière, ça me déstabilise un peu. Ah, validé, c'est bon. Non, attends, ouais, ça va. Bon, vas-y Delphine. Non, c'est, je trouve que malgré que ce soit par le biais de la radio, t'es souriante et ça, ça se sent tout le temps dans ta façon de parler et dans ta façon d'être. Refuse, et, je te confirme, c'est parce que c'est de la radio. Refusé. Vous êtes pareil que moi, ce qu'elle vient de dire. Elle nous dit validé. Pas les mauvaises fois, on la voit tous les jours. Elle a pas, je suis sûr qu'elle a pas tout ça. C'est parce que je vois vos sales gueules tous les jours et ça me saoule. Elle a dit pareil, Rachel, là, avec le sourire, blablabla, à travers la radio, blablabla. Elle dit exactement pareil qu'elle. Ouais, mais elle avait sa fille qui pleurait, elle a pas entendu. Ah bah oui, mais enfin ça, j'y peux rien malheureusement. Moi, hein. J'ai mon fils qui dort. Il dort, il fait pas chier. Ah, si, allez, bonne franchement, on fait gagner les deux là. Les deux, ils nous ont bien fait marrer. Ah bah non, mais attends, tout ça parce que ça vient la brosser. Alors, on fait gagner les deux. Mais non, mais c'est attends. Pas. T'aurais pas fait ça toi? Non. Oh, mytho, va. Hein. Absolument pas. Mytho. Déjà, moi, je me serais pas pris pour une people. Déjà. Bon, Delphine. Oui. C'est perdu. Bah, c'est pas grave, génial. Oh, l'autre, elle aurait pu dire ouais, bon, c'est pas grave. Oh, désolée, Delphine, je compatis avec toi. Vous avez été parfaite, les filles, vraiment. C'est ça. Bon, Delphine s'est perdue, malheureusement. Rachel s'est gagnée. Tu reviens donc vendredi pour la finale. D'accord. Je te fais des bisous. Merci, bisous, bisous. Salut, salut, salut. À bientôt. Ciao, les filles. Bon, bah voilà, c'est fait. Bonne chose de faite. On remettra le couvert demain avec une vraie people. Aujourd'hui, c'était mercredi, on a fait une parenthèse. Vois, c'est le jour des enfants. Voilà, exactement. Ouais, il fallait lui faire plaisir. Ça y est, c'est fait, c'est torché. On va pouvoir passer à autre chose dans quelques instants. Bon, vite fait les soldes là, Xavier qui est là maintenant. 32 ans, enfin un mec qui a fait les soldes. Alors, Xav, un vrai mec. Salut bonsoir. À toi. Comment ça bonsoir s'est passé les soldes équipe. Bonne année. Oui, bonne année bonne à année, toi aussi. Bonne santé et j'aimerais dire quelque chose vite fait avant tout. S'il y avait une reine cette année, ça serait ma Sandro adorée. Voilà. Ah, oh, c'est mignon. Non, mais vous avez envie de... J'aime bien Xav parce qu'à chaque fois qu'il passe à l'antenne, il dit toujours. Et alors, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Par contre, ouais, le jeu, c'est fini. Hein, donc ouais, c'est ça. Le jeu, c'est... Mais c'est... non, ça venait moi, du fond du cœur. Sandro, voilà. Ouais, bah écoute. Il en faut bien. C'est bien ouais, ouais, ouais. Ouais, non, je vais faire les. Comment dire, je vais faire les soldes aujourd'hui. Ouais, et. Et franchement, je suis tombé sur une situation super comique, quoi. C'est. C'est deux meufs qui sont pris la tête pour un t-shirt, quoi. Un t-shirt à 5 euros. Non, c'est le mien, je l'ai vu en premier. C'était le dernier. Ah oui, mais c'est pour ça. 5 euros, le dernier, forcément. Et c'était le dernier. Et elles ont commencé à s'insulter tout, à se tirer par les cheveux. Oh là là. L'autre qui a arraché la chemise de l'autre. T'as pas filmé? Non, ouais, j'aurais bien aimé. Et l'autre, il y a la deuxième qui s'est retrouvée à moitié à poil parce que l'autre, elle va arracher la chemise. Oh là là. Ah, putain, c'était fort, ça. C'est dans quel magasin? Il y a des trucs comme ça, les vigiles sont arrivés, ils ont failli se casser la gueule parce que les filles étaient plus fortes que les vigiles, donc c'est ça qui m'a éclaté de rire. J'ai putain tout à l'heure, il y en a qui va se retrouver par terre, quoi. Et les Français partent en couille, vraiment, quoi. Et tout ça pour rien, puisqu'elles ont fini par déchirer le t-shirt. Ouais, et moi je trouve ça ridicule de se fâcher pour un t-shirt, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est, tu sais, s'ils sont en train de se prendre la tête là pour un t-shirt, et pendant ce temps-là, t'as une troisième qui arrive, hop, qui prend le t-shirt et qui s'en va. Et pendant ce temps-là, les autres, elles se continuent à se casser la gueule, alors qu'en fait, le t-shirt, il est parti depuis balurette, là. Hein. Ouais, mais ce qui était comique, c'est que les vigiles se sont cassés la gueule, quoi. Ils n'arrivaient pas à les séparer, ils se sont cassés la gueule, quoi. Donc, c'est dingue, ça, quand même, ce que tu dis. Ah oui, je te promets, quoi, c'était hallucinant, j'ai jamais vu ça. Non, mais les vigiles qui se font défoncer la gueule par deux meufs. Non, non, les vigiles, ils ont voulu les séparer, mais ses parents sont tombés par terre, quoi. Oh, ah, les boulios. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'était vraiment comique, quoi. C'est dans quelle boutique? Parce qu'il va falloir aller voler des trucs là-bas. Ah, bah non, mais c'est au centre-ville de Montpellier, donc voilà, quoi. Ah oui, ça fait un peu loin. Mais voilà, quoi. D'accord, ok. Bon, écoute, pas mal, hein. Au moins, on a des petites anecdotes autres que j'ai dépensé 100 euros ou 125 euros ou 250 euros. Enfin, on a quand même eu un décès. On a eu un meurtre, ouais, hein, juste avant. Oui, il y a eu un meurtre, effectivement. Ah oui, bah, ça, c'est toujours une info. Hein. C'est vrai. C'est mieux que ta petite embrouille là, avec des vigiles. Bon, merci Xavier en tout cas d'être passé. Je vous embrasse tous. Et tu reviens quand salut, tu veux. Xavier, merci. Salut je Xavier, à bientôt. Un gros bisou à Sandro. Gros bisou. Ouais, écoute, le message est passé. Avant de partir, je fais un bisou à Sandro. C'est ça. Bon, on s'envoie un peu de son maintenant, juste après le mag, et c'est Edouard Maya tout de suite. Stereo Love. C'était le son de Edouard Maya à l'instant, Stereo Love sur Énergie, 21h minuit, on est là comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, on est en retard. Bienvenue dans ce mag du jour. Le mag du jour, c'est tous les jours un tour d'horizon de l'actu du jour, évidemment, condensé, revu à notre sauce comme toujours. Et aujourd'hui, on attaque avec ce premier titre dans l'actu. Ça y est, c'est parti. Bernadette Chirac lance sa 21e édition de l'opération Pièce Jaune. Ah bah c'est con, il suffira de dire aux gens de plus fumer à l'intérieur et le problème est réglé. Non mais c'est pas ça le souci, Jack. C'est une collecte de centimes d'euros pour aider la fondation, la fondation Hôpitaux Paris, Hôpitaux de France. Mais il n'y a plus David Douillet du coup avec non. Elle. Non, non, elle a remplacé le judoka par du lourd, du très très lourd. Damido, Carlier. Non, non, non, non. Estelle Lefébure et Laurie. Oh putain, si Laurie elle termine comme Douillet au gouvernement, on est mal barré. Hein. Mes chers compatriotes, c'est la merde, on est tous au chômage, il n'y a plus de pétrole et on va crever de la grippe. Mais il faut garder la positive attitude. Et t'imagines le discours de la nouvelle année? Moi je vous fais des câlins et des bisous, vive la République et vive la France. Ouais, au moins je serais heureux de payer la redevance télé pour l'avoir, hein, cela ouais, dit. Ouais, ouais. Ouais, bah plus que David Douillet. Hein. Ouais. Ouais. Quand même. Hein. Et bon. Nico. Et oui aussi, ouais. Et une blonde qu'on a plaisir à voir, c'est Virginie Efira. Et elle a d'ailleurs, elle est à l'affiche d'un film qui sort aujourd'hui et ça s'appelle Le Siffleur. Et ça parle de quoi ton film? Bah, c'est un retraité qui a ses habitudes dans un restaurant qu'on va détruire. Du coup, bah, il se crée un double violent pour garder son resto. Ah ouais, ouais. Bof, hein, ça me chauffe pas terrible. Hein. Bah, Virginie Efira passe tout le film en bikini à la piscine, Atof. Ah ouais, ça a l'air vachement bien comme film. Ouais. Hein. Et le problème, c'est qu'elle voulait pas qu'on la prenne pour une teubée, du coup, on la voit pas. En fait, elle est tout le temps au fond de la piscine. Pourquoi? Ah, parce que les Belges, dans le fond, ils sont pas si cons que ça. Cette vanne me laisse de glace, Roux. Oui, pardon. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on va faire un petit point sur la météo, le froid et les conseils pour réduire sa facture de chauffage. Et on a un spécialiste avec nous, c'est Nicolas Varry qui est là. Bonsoir, Nico. Oui, bonsoir à tous. C'est Var, mon nom de famille. Ah, c'est Var. Nicolas pardon, Var. Nicolas Var. Excusez-moi. Alors, quels sont vos conseils pour se chauffer sans perdre d'argent cette période hivernale? Déjà, n'écoutez pas ces conneries qu'on entend partout de réduire votre chauffage d'un degré. Hein. Bah oui, mais ça fait quand même économiser environ 7% sur la facture. Oui, hein. Mais ça nous fait une belle jambe. Du coup, ça caille et c'est pas les billets que t'as économisés que tu vas brûler pour te réchauffer. Hein. Oui, c'est pas faux, effectivement. Oui. Et oubliez aussi ce qu'on vous dit, investir dans du bois pour la cheminée. Après, vous allez terminer tout fait par le monoxyde, tout ça, c'est de la merde. Hein. Bon, alors on fait comment Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez vous cracher dessus ou sur votre compagne. C'est convivial, c'est festif et puis c'est double emploi. Hein. Hein, ça vous permet d'économiser l'eau de la douche aussi. Hein. Et enfin, hein, c'est quand même un peu dégueulasse. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ça réchauffe pour pas un bal. Et puis, pour ceux que ça rebute pas, vous pouvez carrément vous pisser dessus l'un l'autre. Non, hein. C'est dégueulasse. Oh, bon, pas tant que ça. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il faut boire beaucoup pour bien se réchauffer. Du coup, c'est un peu moins économique. Bon, vous n'auriez pas des méthodes plus accessibles? Non. Ah. Mais je sais qu'en banlieue, ils sont très forts pour ça. Hein. Ils te chauffent toute la cité pour une bouchée de pain. En plus, les ventes des voitures ont augmenté. Ils ont dit ça au journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut. Du coup, ça fait plus de matières premières. Hein. Ouais, je doute que ce soit légal. Hein. Ouais, mais attendez, l'État, il se fout de notre gueule. Il veut nous mettre des taxes carbone dans le cul. C'est magouille et compagnie, tout ça. Hein. Alors, légal ou pas, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, il fait quoi, l'État, pour nous réchauffer, hein? Il fait quoi? Bah voilà. Alors ça, pour commander des tonnes de vaccins, pour rien, ils sont là. Hein. Et maintenant, ils restent avec le stock sur les bras. Ouais, enfin, je vois pas le rapport, monsieur Var. Ah, hey, ils ont qu'à nous donner des emballages de Tamiflu pour qu'on les brûle. Hein. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de pénurie de combustible. Ouais, ouais, c'est pas con. Ouais. Bon, merci Nicolas Vard pour ses astuces. Hein. Au revoir. C'est ça, au revoir. Ouais. Allez, au revoir. On est le petit-fils de Georges Brassens. Ouais. Allez, on poursuit ce mag du jour. Et avant d'attaquer les sports, on fait un tour du côté du con du jour avec une histoire informatique, Sandro. Ouais, donc vous connaissez le fugitif anglais là, qui est inscrit sur Facebook et il nargue les flics carrément. Ouais, j'ai vu ça, il y a plein de fans. Ouais, il a plein de fans d'ailleurs. Et en fait, ben, c'est une histoire qui est dans le même esprit. Ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est Alfred, trafiquant de drogue, recherché par les keufs. Donc, du coup, il est en cavale, forcément. Donc, il est parti se cacher au Canada et les flics ont perdu sa trace. D'accord, jusque-là, il risque rien. Hein. Voilà, sauf qu'Alfred a une passion dans la vie. D'accord. World of Warcraft. Ah, belle passion. Ah oui. Ne me dis pas qu'il s'est fait pécho sur le jeu. Si. Ah, le bouffon. En fait, pour jouer, il faut rentrer ses coordonnées dans le jeu. Donc, les flics, ils ont contacté la société qui fabrique le jeu et ils ont récupéré ses coordonnées. Donc voilà, Alfred ne pourra plus jouer à World of Warcraft avant longtemps, je pense. Ouais, c'est pas de chance. Hein. Quand on vous dit que les jeux vidéo, ça ramollit le cerveau, là. Bon, bah, merci pour le con du jour, Sandro. Hein. Le moment est venu de passer au sport, tennis plus exactement, ce sport qui de plus en plus devient le festival des départs à la retraite pour de faux. Après la Belge Kim Clijsters, c'est Justine Henin qui fait son grand retour. Mais cartonne en plus, hein, j'ai vu. Effectivement, elle avance doucement dans le tournoi de Brisbane. Hein. Peut-être sera-t-elle à nouveau numéro 1 d'ici à Roland-Garros. Et l'autre retour, c'est celui de Fabrice Santoro. Bah, il a arrêté il y a 2 mois, lui. Oui, d'ailleurs, il avait même eu droit à une cérémonie d'adieu au tournoi de Melbourne l'année dernière. Mais il a tellement kiffé cet au revoir qu'il a décidé de s'en faire un deuxième. En fait, les joueurs de tennis, ils se prennent pour des chanteurs, quoi. C'est comme Céline Dion, ça fait 10 fois qu'elle arrête. Johnny, c'est pareil. Quoi. Ouais. Mais je crois que le problème, c'est qu'ils trouvent pas de reconversion en fait. Bah, hein. En tout cas, je prie pour que Henin ne se mette pas à la musique. Ah, ben pourtant, elle y a pensé, hein, parce qu'en fait, elle avait trouvé un producteur de rap qui s'appelle Eric Hachin. C'est vrai, mais le duo H1N1 a vite dû renoncer, évidemment, pour cause de pandémie mondiale. Hein. Oh là là, cette vanne. Oui, bon, c'est vrai que la reconversion pose un souci. D'ailleurs, Fabrice lui a connu un vrai flop. Hein. Les arènes étaient complètement vides. Oh non, non, non, Mike, n'en fais pas ça. Pas la vanne de Fabrice Santoro qui fait de la corrida. Oh non, c'est... Bon, et promis, quand ma carrière à la radio s'arrête, je ne ferai pas de one-man show. Bon, continuons le sport pour parler football cette fois et on risque de connaître le successeur de Domenech avant même que la Coupe du Monde ne débute. Il y a 4 noms qui circulent, il y a Blanc, Deschamps, Bogossian et Tigana. A priori, la fédération voudrait surfer sur la vague Obama et enfin mettre un entraîneur de couleur à la tête de l'équipe de France. Ouais, mais le blanc n'est pas une couleur. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, la roue. Mais pourquoi on mettrait pas une femme à la place de Domenech? Ouais, pourquoi pas. Mais vu comment ils sont que tard, faut surtout pas mettre Estelle Denis. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, ce mag touche à sa fin, mais il nous reste encore le célébrissime quiz des citations. Eh oui, c'est le quiz des citations maintenant. Le quiz. Allez, première question. Qui a dit « J'ai mis ce tatouage juste à côté de mon cœur parce que c'est là que les choses importantes de ma vie se situeront toujours » Rihanna? Non. Lady Gaga? Non. Johnny Hallyday? Non. Merde, comment elle s'appelle? Megan Fox? Non. Laura Smith? Non, Smith? Bah non, elle parle pas en ce moment. Tadis? Surtout qu'elle s'appelle pas Smith. Petit. Smith. Je suis américaine, ça. Oui, enfin, maman en américaine, tu racontes déjà de pain, ça. Ah bon? Il est pas là. Hein. Je suis roumaine, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah c'est pareil. Ouais. Bon, indice: Dimitri, Igor, Vladimir, Boris, Nikolai, Yevgeny, Poutine. Voilà, ça en fait 6. Vladimir Poutine? Non. Tu peux redonner l'année? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Attends, tu peux redonner l'année? Ah, Cyrus. Ah, pff, oh là là là là. Ah, j'aime bien les indices. Ouais. Voilà, Miley Cyrus à propos de son tatouage illégal, puisqu'il faut avoir 18 ans aux USA pour se faire tatouer et bah considéré comme coquin, hein, vu où il est placé en plus. Bon, qui a dit, deuxième question, leurs travaux se sont bonifiés avec le temps, ils représentaient ce qu'il se passait culturellement. C'est notre responsabilité d'artiste et de poète de faire de même. Ouais, donne direct l'indice là, parce que. Ouais. On répète la phrase. Non, donne l'indice. C'est beau la poésie, mais comment tu vas trouver un truc qui rime avec Beyoncé? Bah, Beyoncé? Non. Jay-Z? Non. Comment tu vas trouver un truc qui rime avec Beyoncé? C'est beau la poésie. Ouais, parce que le mec il fait genre c'est un poète, là. C'est ça? Ouais. Ouais. Non, bah non. Corneille? Il est mort. Corneille. Kenny West à propos de ses nouvelles inspirations, à savoir des poètes. D'accord. Et 3, qui a dit « Je ne suis pas payé pour parler de salade » Jean-Pierre Coff. Cyril Lignac. Rachida Dati. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte des salades? Sandro. Non. Merde, c'est qui le ministre de l'Agriculture en ce moment? Merci. Tout le monde, tout le monde dans la merde. Christine Boutin. Bon, allez, petit indice. Ok, mais t'es payé pour quoi alors? Parce que nous, on a toujours pas compris ce que c'est ton métier, en fait, hein, finalement. Ah oui, François Fillon. C'est genre Lindsay Lohan, un truc comme ça. Non. Paris Hilton. Non, c'est la politique, non. Ça, non? Non. C'est pas politique? Non. Ah. Chanteur? Pour raconter des salades. Non, non, non. Non, pas Green. C'est un homme? C'est une femme. Ashley Green. Evangeline. Green salade. Ah putain, attends. Mais non, mais salade, c'était pas l'indice. C'était sa phrase. Et oui, je ne suis pas payé pour parler de salade. C'est ça. L'indice, c'était quoi? Ok, mais t'es payé pour quoi alors? Parce que nous, on a toujours pas compris ce que c'est ton métier. Bah, je sais pas. Ouais, c'est encore plus. Une people qu'on sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Quoi. Kim Kardashian, ouais. À propos des accusations prétendait qu'elle était payée 10 000 dollars par article posté sur Twitter. Alors, ouais. Elle, en fait, on l'a connue parce qu'elle a fait une sextape avec. Reggie. Reggie? Ouais. Deux. C'est un chanteur. Il y a ouais. Reggie, c'est le c'est cousin le frère de Brandy. Voilà, c'est non. Le frère de Brandy, si. C'est ça? Ouais. Ah ouais. En tout cas, 10 000 dollars le. Ou c'est Brandy, puisque sa sœur c'est Monica. Brandy et Monica. Oh là là là là, on va tout de suite. Non, c'est pas ça, Micha, tu peux nous aider. Brandy et Monica, c'était un duo. Ouais, c'était juste c'est un duo. C'est quoi, c'est qui? Je crois que c'était le cousin en fait, Reggie. Mais Monica, c'était juste. Brandy et Monica, c'était juste un duo. Hein. Ouais. Et c'était deux meufs? Ouais, c'était deux meufs. Voilà. C'est Brandy et Monica, voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, 10 000 dollars le Twitter, je crois que le roux, il en ouvre un direct. Ouais, mais elle a démenti, elle a démenti. Ouais, elle a démenti, mais enfin, ce serait même quand la sextape, hein, si ça quand même bien. Allez, on revient dans un petit instant. C'est la fin du mag. Retour du mag du jour, un autre jour, bien entendu. Et dans un instant, nouveau single de Paramore qui arrive. Restez bien là. Bouge pas. Michael termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Et voilà le nouveau son de Paramore, donc avec Break by Boring Break. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs dès maintenant sur mikael.fm. Si vous voulez bien évidemment réécouter ça, nos malaises. Voilà, et puis mikael.fm, vous cliquerez bien évidemment dans la rubrique les sons. Et puis son US, son de la cave. Hein, donc je suis en train de l'uploader maintenant sur le site. Donc vous pourrez écouter ça vraiment dans quelques secondes. Voilà. Et puis pas mal de messages qui sont arrivés. Apparemment, j'aime bien. Pas mal le son. C'est frais, je connaissais déjà, j'adore, merci beaucoup Mickaël. C'est cool, ça déchire, ça donne envie de bouger, c'est Ludo du 38, Paramore c'est énorme, c'est Peach qui avait envoyé le message. Et puis j'adore cette nouvelle chanson des Paramore, j'accroche vraiment pas, à quand un son de Kanye West? Bon, je sais pas, on verra. J'adore, elle est géniale cette chanson, c'est l'analyse du 5-6. Et puis tout à l'heure, comme on l'avait dit, petit son des Guns, un bon vieux son, tiens, ça fera du bien. Sandro, j'avais dit ok pour l'iPhone, mais pas pendant qu'on est à l'antenne. Elle a même pas son casque, alors c'est le Club Med là. C'est-à-dire que là, elle est là, à la cool et tout va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à l'antenne? L'antenne? Elle continue, elle s'en bat les couilles. Ah ouais, elle continue, hein. Rien à branler. Hein. Lâche ça. Oh, j'ai raté. Ramasse. Tu ramasses, c'est pas moi qui vais le ramasser à minuit, tu ramasses. Ah, je le ramasserai après. Ouais, c'est ça mes couilles. Il va jamais le ramasser. Il va rien ramasser du tout, alors ça c'est clair, effectivement. Enfin, bref, c'est pas grave. Bon, on mettra donc tout à l'heure, comme je le disais, le son des Guns. Et puis, ça fait depuis le début de la semaine qu'on en parle. Les bonnes résolutions pour 2010. Et il y a une meuf qui a pris la résolution de se trouver un taf en 2010. Et pour mettre toutes les chances de son côté et être sûre de trouver un job, elle a fait quoi à votre avis? Une lettre de motivation. Exactement, elle a fait une lettre de motivation, mais pas n'importe quelle lettre. Hein. Je vous ai gardé les meilleurs passages. D'ailleurs, j'en ai plein des lettres comme ça, justement. Tiens. Alors d'abord, elle commence par « Cher futur employeur, madame, monsieur, mademoiselle, enfin quelqu'un, quoi. Ouais. M'en fous du moment qu'on me lise. Voilà, » c'est le truc qui met bien en place tout de suite pour aller lire la suite. Voilà, mais c'est pas tout. Donc Priscilla, hein, qui vit à Tulle, hein, près de Brive-la-Gaillarde, propose «